Les accros, c'est le Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Pour le podcast des accros, nous sommes l'édition du 2 octobre 2012. Salut messieurs, comment ça va? Va bien, toi? Ah, va quand même bien, ça va quand même bien. De mon côté aussi, ça va bien, monsieur. Cool. On a eu une belle grosse fin de semaine, bien chargée avec le spécial 3 ans. Oh oui. Il y a eu énormément de vidéos produites dernièrement également, fait que... Pensez un petit peu tranquille cette semaine avant de se repartir à neuf. Et les articles, n'oublie pas les articles. Les articles. Oui, c'est sûr. En avez-vous écrit derrière avez-vous une des idées d'articles que vous allez publier prochainement? Oui. Ah oui, on a très hâte d'avoir lire ça. Ah, je suis curieux. Mouto. Comment vous avez trouvé le 3 ans? Ça a été pas pire, ça a été pas pire. C'était très amusant. Des lives comme ça, parce que toi-même t'as dit, Big Ben, que les accros ne faisaient des lives que au moins minimum une fois l'an. Oui. Si la demande y est, personnellement, je serais intéressé à en faire un autre éventuellement, mais bien entendu, beaucoup plus tard. Oui, c'est sûr, on se laisse un bon lousse, là, parce que ma veut pas, c'est de la préparation, un live. Oui. Mais ouais, moi, ça me dérangerait pas. Qu'est-ce au pire, est-ce qu'on en reparte un peut-être avant les vacances d'été, là, ce serait bien propice. Ce serait au contraire un très bon timing à ce moment-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Ce serait à voir entre nous autres lorsqu'on va être rendu là. C'est sûr qu'on fait ça faisait la deuxième fois qu'on faisait un live en direct pour le spécial des accros. Mettons que veut pas un anniversaire, ça se fait. Et sauf la première année. La première année, on avait Marie qui nous avait fait une vidéo spéciale avec plein de gens. Qui nous souhaitait bon anniversaire, donc le joie du grenier. Fait que, mettons que nice. C'était quelque chose. Si vous avez la chance, allez voir ça, cette vidéo-là. Elle est vraiment géniale. Plusieurs reviewers du Québec étaient dedans également. Sinon, en passant, les gars, j'ai oublié. Il y avait deux questions que des gens nous ont posées pour le 3 ans des accros. J'ai totalement oublié de vous les poser. Comment t'as pu oublier ça? Ben, il y a tellement de choses à penser dans un live que ça se peut qu'il y ait des oublis. Comme par exemple, j'avais préparé également une chronique sur le rétro gaming, la collection. Fait que c'est des choses que j'avais oubliées. Probablement qu'on va faire ça plus tard. Mais j'ai des questions quand même que les gens nous ont posées. Fait que je vais aller vous les poser puis on va pas en discuter ensemble. Oui. Tout d'abord, on a notre ami Thaï. L'homme qui écrit des paragraphes très très très longs. Et sans virgule et sans point. Alors, je vais quand même... On t'aime taille. Oui, on t'aime taille. Mais je vais quand même faire un résumé de ce qu'il nous demande. C'est qu'il aimerait savoir s'il y a un de nous qui aimerait faire une critique de la série de Batman des années 60. Bon, tu viens de me perdre. Et le pire, c'est qu'il vient dire « Je verrais bien Retro Gamer qui déteste la série en parler. » Ben, avoir sa critique sur le film de Sonic, qui est dans le fond effectivement deux épisodes de la série d'animé de Sonic au Japon, c'est encourageant. Ça serait. On va quand même dans du kitsch, hein. Je veux pas être la série des années 60, mais c'est comprenable. Ben, moi je peux te dire quelque chose, Thaï, puis c'est quelque chose que peut-être pas tout le monde sait. C'est qu'il y a des problèmes pour ce qui est attrait à la série de Batman des années 60 en coffret DVD. Elle existe pas. Parce qu'il y a un problème de droit. Un gros problème de droit entre Warner Brothers, DC Comics, même si, étrangement, DC fait partie de Warner, ça c'est également les producteurs, l'argent que Burt Ward et Adam West veulent. Est-ce que j'oublie quelque chose? Century Fox. Merci Century Fox, merci de me corriger Big Ben. Alors, c'est le bordel. Ça fait longtemps que c'est sur la, la table. Pour reprendre une citation résumée de James Rolfe, arrêtez de vous affiner, les gars, puis lâche, puis mettez le fucking DVD de ces tablettes. Mais je pense que ça va être encore pour des années, tant que longtemps que la licence ne sera pas libérée. Non, c'est ça. On va attendre pour très longtemps. Alors, pour ce qui est de ça, Thaï, écoute, je suis désolé de te le dire, mais ça va être difficile de faire une critique là-dessus parce qu'il n'y a pas de coffret DVD disponible. Le seul moyen qu'on l'a à écouter ici, c'est d'avoir le poste canal prise 2 puis d'avoir la chance de l'écouter quand ça passe. Fait que c'est très, très difficile. Puis comme moi, je suis pirate rien, ben, c'est ça. Eh oui. Mettons que c'est ça. Ça me tente pas non plus de le pirater. On a également un message de la part de Kevin, un des accros qu'on a déjà rencontré à l'Otakuton l'année passée. Il nous pose la question si on connaît la console portable Dingo. Dingo? Laquelle? Dingo. Comment c'est écrit? Comme Dingo, l'animal, voyons, l'ami de Mickey Mouse. Là. Comme le chien? Oui. Dingo? Dingo 320. Ouais, je suis en train de checker ça sur Internet. Ça a l'air d'être un truc genre style gros comme une manette de Nintendo là, avec un petit écran. Là. Je t'avoue que je la connais pas, Kevin. Là. Je vais regarder ça. Ouais, je vais porter attention à ça bientôt. Là, je vais voir. Ça a l'air d'être une copie de PlayStation. Ouais. La Dingo 3000. Est-ce que je dis ça correctement? La Dingo 3000? La manière qu'il m'écrivait ça, c'était la Dingo 320. 320? Ouais. Moi, je sais qu'il y a plusieurs consoles qui n'existent pas ici, puis que ça existe dans les pays sud-américains. Par exemple, je sais qu'il y a une console qui s'appelle la Zubu, je pense, qui est sortie en Brésil. Aussi... Ouais. Puis qu'il y a des jeux d'Assassin's Creed dessus, en plus. Genre, Ubisoft sort des jeux sur cette console-là, tu sais. Ah oh, ouais, vraiment. Ah oh, ouais. Sérieusement, là, mais j'ai checké sur eBay voir si c'est possible d'en avoir, puis j'ai pas vu, fait que. Tu sais, j'aurais comme aimé ça, là. Mais c'est comme difficile d'en avoir. Ah ouais. Il va falloir que je check ça. Fait que non, malheureusement, nous autres, on connaît pas ça, mais probablement, on sait jamais qu'une chance, on va peut-être avoir la chance de l'avoir. Fait que c'était les questions qu'on nous avait posées pour le live des 3 ans. En tout cas, j'espère que vous avez aimé nos réponses, même si ça a été assez évasif sur toutes ces questions-là. Fait que sinon, merci passe. Ty, merci Kevin. Merci Ty, merci Kevin. Sinon, les gars, qu'est-ce que vous jouez récemment? Moi, je viens de finir Assassin's Creed Revelations, qui termine les 4 Assassin's Creed disponibles présentement. Comment tu as trouvé ton expérience? J'ai hâte au 3. J'ai très hâte au 3. Ah ouais? J'ai hâte de continuer l'histoire, parce que l'histoire, c'est quelque chose qui est. Moi, je dirais qu'Assassin's Creed, c'est 50% l'histoire, puis le reste, c'est du gameplay. Mm-hmm. C'est si t'aimes pas les jeux avec des histoires compliquées puis vraiment avec un flow là, okay. Ben joue pas Assassin's Creed. Mais si t'aimes les affaires d'histoire puis tout ça, vas-y. Si t'es un fan de Metal Gear, tu vas aimer ça genre. C'est ce que j'allais dire en comparaison avec Metal Gear. Je sais pas, j'ai jamais joué à Metal Gear. Ah non. Non, il me semble que vous m'avez déjà posé cette question là. Ah, vous avez moi, dit. Ouais, abeille pensée, t'as raison. Ça se peut, oui. Moi, c'est parce que pour moi, c'est tellement un jeu culte que ouais, c'est... Ouais, mais il faut que tu comprennes que... je pense que le plus gros Metal Gear a commencé avec le PlayStation. Ouais. Bon, mais moi, à l'époque PlayStation, N64, je l'ai skippé totalement. Ah, OK. Ah bon? J'ai skippé cette époque-là quand c'est venu, fait que... Faudrait que tu joues comme à la version GameCube du premier. Ouais, probablement. Okay. Probablement. En tout cas, c'est une des versions que le monde dénigre le plus, mais pourtant que moi j'aime le plus. Là. Elle n'est pas si pire, en fait, la version sur GameCube. C'est juste l'engin graphique qui laisse à désirer, mais c'est tout. Ben, je te dirais plus les contrôles, parce que vu qu'il n'y a pas de bouton de pression sur les manettes de GameCube, ouais. Tu veux retirer, tu sais, comme tu veux pas tirer, mais il faut que tu fasses une combinaison de boutons pour pouvoir réussir à enlever ton gun. C'était quelque chose que j'ai pas apprécié pendant tout. Moi, je te dirais que j'apprécie beaucoup moins la même situation, mais pour le fucking codec. Ouais, okay. C'est vrai. Il marchait pas le 3/100, en plus. Ouais, parce qu'il fallait que tu fasses sur Start plus B en même temps, je pense. Exact, c'était genre là, tu le fais, mais ça marche pas ou tu fais autre chose. Genre, ah! Parce que oui, j'ai pas joué Metal Gear là, mais sur GameCube, mais je peux au moins dire que j'aimais les manettes de GameCube. Ah, moi j'adore les manettes de GameCube. La manette de GameCube, pour moi, c'est une des meilleures manettes qui est sortie, sérieusement. Absolument. C'est une manette qui est confortable. Oui. Comparée à certaines consoles, là, je pense par exemple à la première manette de Xbox, là, la méchante brique. Là. Moi, je pense plutôt à la manette de N64, parce que c'est vraiment une merde. Ouais, j'avoue. Et puis, je suis content d'avoir un adaptateur que je peux plugger une manette de GameCube sur mon N64. Ouais, mais quand t'es rendu aussi que ta manette de 64 est 4 fois aussi grosse que ta console, il y a un problème. Mais moi, je pensais plus à la première manette de Xbox qui était vraiment une brique. Ah, mais hein. Puis Puis genre, quand tu voulais chercher la manette, fallait vraiment comme tu lâches ton, ta main une seconde pour aller chercher ton bouton puis aller la remettre. Ah, mais elle était à l'image de la console aussi. Hein? Oh oui. La console était une brique. Ça, c'est bien vrai. C'était lourd. En plus, j'en ai une site puis il a fait juste la déplace. Puis je suis comme, oh, on dit, je compare à ma PS3, je trouve qu'elle est lourde. Sinon, à part ça, est-ce que tu as réussi à jouer à d'autres choses? J'ai downloadé Lamulana sur WiiWare. Ok. Lamulana. C'est quoi okay. ça? C'est un genre de RPG action explorer. Je sais pas comment trop le dire. C'est un jeu japonais qui a été réédité en Amérique, bien sûr. Et c'est un side scroller finalement, là, fait avec des graphiques 16 bits là. Puis. Ok. Je sais pas comment trop le décrire là, c'est quand même le fun. C'est très comment je peux dire ça? Les puzzles sont très difficiles à faire. C'est pas un jeu qui va te tenir la main. C'est vraiment un jeu pour les hardcore. Tu vas crever souvent, puis tu vas sacrer souvent, puis tu vas pitcher tes manettes de Wii assez souvent, mais c'est fait pour être comme dans le temps. Là. OK. C'est dur, mais c'est le fun. C'est ça, c'est très très dur. Tu vas pleurer en jouant à ce jeu. Oh, ça j'aime ça pourtant, c'est ça le pire. Moi, tu me donnes Ninja Gaiden. Là, puis et c'est bon comme jeu. Là. Ah ouais, mais si tu me donnes un jeu comme Ninja Gaiden ou les jeux durs comme à l'époque, là, moi, c'est en bas des escaliers. Là, ouais. Tu sais, genre contrat, quand tu sais pas c'est quoi le code des 30 vies. Là. Ah, c'est tough en Christ. Hein, oh que oui. Ça prend beaucoup de pratique. Et effectivement, j'ai mettons que j'ai sacré pas mal. Ça prend du skill. Beaucoup de skills. Du skill, puis mettons que les continues, je pense que t'en avais trois à l'époque, là. Ouais, je pense que ouais. Tu voulais pas les gaspiller. Non. Non. Sinon, toi, PL, à quoi tu joues récemment? Écoute, là, je suis de me faire plaisir de me lâcher lousse beaucoup sur le DS. Et quand c'est pas du Mario Party avec ma douce, c'est du... joue à... J'essaie de m'avancer, mais ça se pendant tranquillement dans... Anonymous Note from the Abyss 1. Ok, c'est quoi ça? Ce que je crois comprendre, c'est des parties du jeu qui est sorti sur DS et qui n'a pas eu de très bon review. Ok. Puis on essaie de je pense qu'il y a quelque chose qu'après une dizaine de chapitres, je fasse les recherches. Ce que la 3DS Shop ou la DSi Shop offre, c'est tu payes un chapitre 2$. Ok. Oh, fait que je suis encore en pleine exploration, mais j'ai l'impression vraiment que c'est pas c'est un jeu qui est pas si pire que ça, mais en même temps c'est très random au point tel que c'est impossible de faire une stratégie propre en tant que telle pour bien jouer au jeu. Ok. Ce serait un des reproches que je lui ferais. Sinon, ben j'ai décidé de me remettre à aujourd'hui à Metroid 2. Oh! Aujourd'hui. OK. Il m'aurait déjà mis 10 Metroid à tuer. Je pensais que tu avais déjà réussi à faire le tour à cause de ta critique dernière, ben pas ta dernière, mais précédente, là. Ouais, mais moi Metroid 2, c'est quand que je peux y jouer, ben j'y joue. OK. Comprends-tu? Oh oui! Non, on va revenir au PlayStation 3. Écoute, comme j'ai dit dans le live, je me fais du fun à jouer avec Super Player à Resident Evil 6. Ah non! Rends-tu compte que j'ai dit Resident Evil Ocarina of Time? Operation Raccoon City. Ouais, écoute. Parce que les deux commencent par O, j'ai pensé à. Oh, oui, je joue avec Super Player à Resident Evil Ocarina of Time. What? Non, je me suis trompé totalement. Là. Mais non, écoute, sérieusement, là, je suis tellement fatigué là, que j'aurais pu le dire. Là, c'est ça. Sinon, si ben... j'aurais eu le jeu devant moi, je pense que je l'aurais dit Ocarina of Time. Je me vois tellement faire ça. Je sais pas si vous avez vu le meme qui est apparu sur le Facebook des accros. Comme Link is an asshole. Link is an asshole, ouais. Où est-ce qu'il y a un gars qui dit « Ah, j'ai ça à faire aujourd'hui, tu sais, j'ai une grosse journée. » Tu vois Link, il commence à faire la chanson du soleil, tu sais, puis il s'en va, puis il y a plein de squelettes qui arrivent à côté du gars, comme « Ah, oh, fuck you, man. »« I hate my life. » C'est tellement quelque chose que j'aurais tellement envie de faire dans un MMORPG, là. J'aurais cette habilité là, je suis comme t'es. Fuck you, man. À part de ça, ben Bayonetta qui j'ai développé un certain amour, mais cependant limité. Parce c'est quoi Bayonetta, sérieux? Bayonetta, c'est le jeu très surréaliste de Sega. OK. Par Sega, maintenant en vedette une sorcière dans un qui se bat avec des guns. Dans un gameplay style Devil May Cry, parce qu'après tout, c'était fait en grosse partie par l'équipe de production de Devil May Cry. Le créateur de Devil May Cry. Okay. C'est ça, tu sais. Fait que c'est actuellement un jeu qui est très stylish slash série B dans les termes de les dialogues puis l'histoire. Fait que ça inclut également les gags. Qui sont très style série B, du genre l'espèce de petit mafiosi peinard de quatre pieds qui est le, comment on dirait en anglais, the butt of jokes. Mm. Puis, mais c'est un jeu qui offre beaucoup, beaucoup de divertissement et qui offre un gameplay, même s'il y a des modes où c'est que tu peux juste peser sur un piton, puis ça fait toute la job. Ça n'empêche pas le fait que tu peux faire tellement de combinaisons de boutons à ce jeu-là. Okay. Que tu peux exécuter des centaines et des centaines de prises et de mouvements dans le puis jeu. À force de combattre, ben il faut que tu te réinventes dans tes combats pour que t'aies un style de combat différent à chaque là. Bayonetta offre cette opportunité. Oui. Parce que pas tant de jeux font. Non. À part Devil May Cry, là, il y en a pas bien d'autres là. Puis, non, sérieux, c'est quand même devenu mon coup de cœur. Comme je dis, c'est pas sans dire que Bayonetta n'a pas ses faiblesses. Mm-hmm. Il y a une couple de faiblesses. OK. Et sinon, comme autre jeu que j'ai joué, ben, Splatterhouse. Oh, l'original? PlayStation 3. Qui, si tu, ah, fais, si tu exécutes certaines affaires, oui, anyway, tu débarres l'original. Ah, OK. Ben, écoute, pour 10$, plus c'est un jeu que... Moi, j'avoue que j'ai un fait pour les beat'em up. Mm-hmm. Moi, c'est un jeu qui me plaît, surtout que un incitatif a été « Ah, je peux débarrer ces trois antécédents. » Ça vaut vraiment la peine. Pour 10$ chez eBay Games. Sure, why not? Oh, oui. Je pense que je vais aller regarder chez mon eBay Games en fin de semaine. Lâche-toi lousse. Non, sérieusement, mais j'ai pas encore joué en plus à cette version. Il l'a aussi sur Xbox 360, si tu le trouves pas sur PlayStation 3. Oh, l'un ou l'autre, j'ai les deux, fait que... Et voilà. Dès que je le trouve, ça... Moi, je sais qu'il l'a 10$ au eBay Game où c'est que moi je travaille. Fait que si tu le trouves pas, tu me le feras savoir. Ah, je le trouverai. Ah, je suis sûr aussi. sinon... Fait que beaucoup de gaming pour moi, comme tu peux voir. Ouais. Ah non, après, une dernière affaire, Undead Storm... qui est aussi sur la 3DSI. Mais non, genre, les consoles ce soir. Commence pas à nous préparer une nouvelle console de Nintendo. Là. Non, j'ai déjà fait une espèce de mini-crise que d'autres se sont joués à moi chez les accros. C'est que Retro m'a rappelé à l'ordre, alors non, c'est beau. Je pense qu'on a eu notre dose de ça. comment? Ah, j'ai rien dit. Non, je parle plus à Retro. Alors, j'ai ri. Ok, c'est bon. Excuse-moi. J'ai pensé que tu avais murmuré quelque chose. Sérieusement. So, Undead Storm, que je dois malheureusement déconseiller à tout le monde, même si c'est un jeu qui coûte 2$, ça, c'est ça qui fait que la pilule est plus facile à digérer. C'est parce que c'est un jeu où tu peux jouer 4 joueurs en même temps, oui. Sauf que les contrôles sont difficiles à comprendre la logique. Okay. Les contrôles n'ont aucune logique. Et ça a juste 3 stages. Arc. OK. Par le fait que ça a juste 3 stages, c'est là que je me sens un petit peu insulté, mais bon, pour 2$. Lui, tu le prends pour ton argent, puis encore là, je trouve que 2$, c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Ce qui mène à la conclusion. Rétro. Quoi? Je prévois m'acheter, en fait plus, prendre ton conseil et me procurer Shantae 2, Risky's Revenge. Wouhou! Bon achat. Oh. C'est qui me pose une question. C'est-tu moi, ben, le premier, il n'est pas disponible? Le premier était sur Game Boy Color. Mais ouais, Sam, il vend super cher en plus sur Lucky Games. Mais il s'en vient sur le 3DS Shop. Ah, ok. Woohoo! Non, je m'en vais sur le site que tu... Il est très rare, ouais. C'est ça, il était très rare. J'ai fait comme, ok, tant je le connais pas, ce jeu-là. Là. Il a l'air tellement fun, puis... Oui, il l'est certain. Il est vraiment style, Castlevania, Metroidvania? Oui. C'est très court, par exemple, mais il est le fun. Puis tu vois, moi, en tout cas, je suis tombé en amour avec le personnage. On a enfin... comment je pourrais dire ça? On a un bon début pour peut-être une série éventuelle pour une nouvelle franchise. Puis j'aimerais tellement ça que WayForward développe quelque chose pour une vraie console basée sur Shantae. Là. Ça serait tellement cool. Tu verrais Shantae sur quelle console, toi? Ben, à ce moment-là, plus sur la Wii ou Wii U. Tout. Tu penses qu'il y aurait le droit de faire Shantae sur autre chose que sur Nintendo? Pourquoi pas? C'est bien sur iOS. Ça dépend. Ouais, à ce moment-là, ça dépend aussi c'est quoi l'entente qu'on a avec Nintendo. Pourquoi il y aurait une entente avec Nintendo? C'est pas exclusif à Nintendo, ça, là. Ça... On le sait pas, ça. Mais non, il est sur iOS. Il est sur l'iOS? Ben oui. Si il est sur iOS, c'est ça. Mais Christy, ça... Il est sur le green light de Steam aussi. Ah. Bon, ben garde, WayForward, qu'attendez-vous? Allez, Capcom, sortez-nous ce jeu-là. Probablement qu'ils ont des plans pour ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime Shantae. Que... Ben, je comprends. Ben, moi, de mon bord, côté gaming, ben écoutez, depuis la sortie de Torchlight 2, ben, je suis pas mal là-dessus. Torchlight. Tellement bon comme hack and slash, là. Je suis en train de travailler ma critique cette semaine là-dessus, là. Mais sérieusement, là, si vous hésitez entre Diablo 3 et Torchlight 2, sautez donc sur Torchlight 2. Oh, je supporte également Torchlight 2. Oh oui, même si ton ordi ne marche pas. Je le supporte même si je ne l'ai pas encore. Et sérieusement, pour moi, là, j'ai l'impression que Torchlight 2, c'est un Diablo 2 2.5. Il y a un peu de ça, hein? mais en plus vivant et en moins chiant à comprendre la logistique derrière. Oui, puis ils ont enlevé certaines choses que tu sais qu'il y avait dans Diablo que j'ai quand même aimé. Tu sais, la durabilité là est plus là. Tellement que t'as du stock, ben tu sais, de toute façon, t'aurais pas le temps d'aller réparer ton stock là. Vu que tu le changes en 10 minutes là. Mais sérieusement, c'est le fun. J'adore les classes. J'adore les choix de pets également. Là. T'es pas rendu juste à 2 pets, t'es rendu comme à 8 pets. Non, ça sert pas bon là. Hein? Moi je lâche un pet là, puis je mets le futur là. J'adore ça. Bang! Mais sérieux, si vous aimez Diablo 2, sautez sur l'occasion, allez vous chercher ce jeu-là. Là, pour 20$, ça vaut vraiment la peine. Vous allez aider un studio qui, à part que c'est des anciens de Blizzard qui ont fondé ce studio-là et qui ont fait un excellent jeu. Sinon, à part ça, ben vu qu'on va en parler un peu plus tard, ben je me suis lancé dans Castlevania Symphony of the Night, ma version originale PlayStation. Là, je viens de finir à 100% le château, fait que là je commence l'autre 100% dans le château inverse. Sais-tu, j'ai été tellement loqueux l'année passée de me trouver une copie originale PlayStation pour 25$. Hein? Oui, c'est propre, neuf. Moi, la mienne, ça fait 10 ans, je l'ai. Bon, moi, c'est à 3$. Moi, j'ai trouvé à 3$. Fuck. Ouais, mais 9? Oui. Ah, 9? Ah, ouais. Non. Non, je l'ai eu 9, moi, là. Il était de seconde main, mais quand même propre aussi, là. OK. Et j'ai eu 9 à 25, là. Tu peux pas trouver ça sur eBay, là. Non, pas vraiment. C'est impossible. Tu l'ouvres pas, tu le fermes, puis tu le laisses... Ah, moi, je l'ai ouvert, fuck off. Ah, man! T'aurais pu... Ouais, mais c'est là pour jouer. Moi, je collectionne pour jouer. Je collectionne pas pour faire une musée. Là. Non, c'est comme moi, là, mes comic books. Moi, je collectionne plus les comic books pour m'espérer qu'ils vont avoir de la valeur. Regarde, j'ai déjà fait cette erreur-là. Je veux dire, Lady Death 1 qui valait à un moment donné 1000$ alors que j'avais payé quand il est sorti à 4,25$, puis à ça, il vaut même pas 50$. Non, regarde, je paye, j'en fais ce que... Je les lis. Non, c'est juste que moi, tu sais, je me dis, juste pour que ça soit beau, je leur ferai, mais tu sais, je suis bizarre de même aussi, là. Non, t'es pas bizarre de même, t'es pas le seul qui fait ça, puis je te dirais qu'il y en a des 100 fois pires que toi. Oui, ça, je m'attends à la donne. Je m'attends à ça. Mais tu sais, comme en ce moment, ils vendent des PS PlayStation 2 au Walmart, et ils vendent comme 80$, tu sais, 100$. Puis je connais du monde. Ben, je connais du monde qui l'achète, puis qui le garde de côté, qui ne l'ouvre pas. Ouais, ça se peut, ouais. Puis ils vont revendre. Au cas où, c'est que leur autre console pète, peut-être. Non, moi, j'en. Pouvoir revendre plus tard, quand ça va être rétro, genre. Ouais. Ça se peut. Parce que, comme tu regardes les Nintendo, les boîtes pas ouvertes, là, à cette heure, ça va remonter à 400, là. Ouais, mais un Nintendo tout seul, ça vaut pas grand chose. Non, tout seul, non. Une vingtaine de piastres, peut-être. Puis encore, faut que tu penses peut-être à changer les pins dedans, là. Ouais, mais ça, ils en vendent, puis ils en fabriquent encore. Oh, oui, j'ai fait avec ma même cadeau que j'ai pogné. C'est quoi, j'ai vu? J'ai vu quelqu'un qui avait pris un Sega Genesis. Ok. Tu sais, la deuxième génération, là. Oh, oui. Puis qu'il l'avait démonté, qu'il l'avait peinturé avec les couleurs Nintendo, puis qu'il avait monté un Nintendo Top Loader dedans. Voyons donc. Avec une console, la première console Nintendo, il avait tout refait le board, le kit, puis il a fait un top loader avec. J'ai une de mes chums, elle a acheté sur eBay, c'était un Famicom qui avait pris un PS1, le deuxième modèle de PlayStation 1, puis il avait vraiment fait un Famicom dedans, fait qu'elle fermait la trappe, quand elle l'ouvrait, elle rentrait ses cassettes de Famicom. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est nice. Puis genre, c'est elle là, c'est comme vous trois là, nous trois là, fois 10 pour ce qui est du geekness là. Elle là, ah ouais. Tout ce qui est japonais là, elle va se l'acheter, elle va se le commander, puis elle va l'essayer chez elle. Puis elle va jouer à ses jeux RPG en japonais. Parce qu'elle a dit pour elle, écouter une version anglaise, c'est mauvais. Ouais, ça dépend des versions là, faut pas trop être. Mais il y en a plusieurs qu'effectivement, c'est. Juste fucking mal traduit. Rétro, t'en sais quelque chose avec Sonic. Ouais, mais faut pas bitcher toutes les traductions. Juste non, effectivement. Non, c'est ça, des fois, il y a des choses qui m'énervent, par exemple, dans ceux qui disent ça. C'est qu'il y a la plupart d'entre eux qui connaissent même pas le japonais. Mm-hmm. Puis, moi, j'ai parlé avec un japonais là, où je travaille. Lui, il est d'origine japonaise. Puis, il a de la misère à parler français, puis tout ça. Puis, j'ai fait écouter des bouts de trucs genre Naruto, puis de même juste pour voir juste qu'est-ce qu'il en pensait. Puis, il dit, les gens réalisent pas qu'au Japon aussi, on trouve que des fois, nos voix japonaises, c'est de la merde. Tu sais, mais il y en a qui disent qu'elles sont super bonnes alors que c'est parce qu'ils comprennent pas un crisse de mots de japonais. Là. Parce que s'ils comprenaient. C'est-tu la même relation qu'on a avec Ken le survivant? C'est culturellement, ces Japonais sont très, très, très, très, très, très, très, très, très sévères envers eux-mêmes. Ouais. Au point d'en faire une faute. Oh oui. Oui, ça c'est vrai. Je veux dire, si c'est pas à la perfection même, c'est de la marde, là. Mm. Mais c'est justement, là, c'est, non, c'est pas de la marde. On est humain, on a des failles, ben c'est ça. Yeah. Fait que, non, c'est ça, j'ai fini Castlevania, ben j'ai fait à 100% Castlevania, puis là, je commence bientôt ma critique, je finis ma critique de Torchlight 2, puis après ça, je commence ma critique d'Halloween pour le 31. Cool. C'est quoi? Mettons que c'est basé sur Doom 3. Là, je me demande, est-ce que je fais la BFG Edition ou je fais juste le normal? Probablement, je vais faire juste le normal. Mais moi, pour moi, Doom 3, c'est un de mes jeux préférés. Puis je vais dire pourquoi que je trouve que c'est un jeu qui est quand même sous-estimé. Il est effectivement sous-estimé. Il est très sous-estimé, mais il est sorti en même temps qu'Half-Life 2. S'entends-tu qu'il s'est fait dévorer un peu? Ouais, il n'y avait aucune chance. Il n'y avait aucune chance. Mais, tu sais, dans un sens, il y avait quand même des idées qu'Half-Life 2 avait pas. Cool. Je vais en expliquer durant ma critique d'ici la fin du mois. Pour vous en discuter. Crème, je vais critiquer le film, voir. Tu sais que JCL l'a déjà critiqué, hein? Ah oui, c'est vrai? Oui. C'était dans le premier échange de cadeaux, c'était Just Player qui l'avait envoyé. Oh mon dieu, quel film horrible. Just Player, je vais te tuer. Le pire, c'est que j'ai pogné ça à TV un moment donné, puis ça commençait. Je dis, bon, écoutez, c'est pas si pire que ça. Non, c'est pas si pire, mais c'est juste, c'est con comme la lune, là. Non, mais c'est vraiment con, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment poche. Là, à la fin, j'étais. C'est ça le film. C'est ça, là. C'est, ça, c'est tellement poche que c'est bon, mais en même temps, bon dans le sens, ça a un certain divertissement, mais. Mais ils ont tellement censuré dans ce film-là, là. Mais déjà, en partant. Ouais, c'est ça. Déjà, en partant, il y a The Rock dedans, là. Ouais. c'est fuck off. The Rock, il aurait dû être enlevé. Je pense qu'il y avait aucunement rapport. Il était effectivement trop The Rock. Je pense qu'il aurait dû tuer tout le monde dans les 15 premières minutes du film. Il a fait juste un film de 15 minutes, ça a été bien correct. Non, mais il y a fou Carl Urban envahit une monstre, puis remet le démon, puis tout ça, tu sais, à place de dire que c'est des expériences. C'est comme dans Doom, finalement, c'est le diable, qui c'est comme sa planète à lui, là, tu sais. C'est pourquoi ça qu'ils ont pas fait? Parce que les Américains ont l'épine sensible par rapport à la région. Il y a ça, mais moi, ce que je veux dire, c'est également... pourquoi ils ont pas fait la bande dessinée de Doom, le Doom qui s'appelle le fameux Doom comic, en animation? C'est tellement intense, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Moi, j'étais allé le voir au cinéma, c'est ça le pire. Au cinéma. Oui, j'étais allé le vendredi qui est sorti, parce que je suis fan de Doom. Je suis jeune. Ah, c'est que je m'en suis voulu. Puis genre, j'ai un de mes chums, j'étais allé avec, puis lui, il faisait des migraines à tour de bras. D'habitude, il y a des maladies pour ça. Fait que, tu sais, c'est comme fait, « Oh, j'ai une migraine, je pense que je m'en vais. » Puis quand on était rendu à moitié du film, je vois, « Ok, moi, tout, je m'en vais. » Ben, peux-tu te remonter le moral? Ouais. Moi, le con, j'ai été voir Resident Evil Retribution en 3D. Eh oui, comme moi. Toi, tu l'as pas vu en 3D. Toi, t'as pas 20$ pour. You, sir, are smart. Je sais, mais moi, ça fait depuis le troisième film que j'ai arrêté. J'ai comme compris avec les gamics, là, j'ai comme fait ça, garde. Fuck, you, oublie-moi. Non, c'est sûr. Paul W.S. Anderson, c'est plus comment écrire une histoire, mais ça. Est-ce qu'il a déjà su? Mortal Kombat. Non, je suis pas d'accord. Il y a certaines du classique. La manière classique de raconter une histoire. Ouais, c'est, mais c'est Mortal Kombat, c'était quelqu'un d'autre aussi. C'était pas Paul. Paul, il a juste réalisé. Il a juste réalisé? Il me semble qu'il a juste réalisé. Ben, un réalisateur a également la possibilité d'ajouter ses propres touches au scénario. Il a le droit de modifier le scénario à son image s'il veut. Ce qui est très chiant, vous allez me dire, vous avez effectivement raison. But that's how Hollywood rolls. Ben, regarde, tu regardes toutes les annotations que Uwe Boll fait dans ses films, là. Paul W.S. Anderson, là, je le compare quasiment à Uwe Boll. Sérieusement, c'est, là? C'est quoi? C'est dur à dire, c'est chiant pour qui? C'est chiant pour Uwe Boll ou c'est chiant pour Paul W.S. Anderson? Les deux, c'est chiant, là. Tu sais, je veux dire... Uwe Boll, là, il fait ça pour l'argent, point. Paul W.S. Anderson, il pense qu'il est bon. Paul W.S. Anderson pense effectivement qu'il est bon. Dans le fond, son vrai problème majeur, ça, c'est indépendant que j'ai étudié en cinéma ou pas, c'est le fait que, vraiment, il n'y a pas de direction claire dans ses histoires. Mm-hmm. OK. C'est genre dans son histoire, c'est l'histoire d'un bonhomme et il lui manque des souliers. Mais il a besoin de ses souliers pour pourtant courir. Mais il lui manque pareil ses souliers. C'est ça dans Paul W.S. Anderson. Il lui manque des éléments pour vraiment que l'athlète ait un punch. Qu'il y a de l'allure. C'est vrai qu'il n'y a pas de punch dans ses films. Ouais. Surtout dans le premier Resident Evil, on s'entend-tu que la plus grosse créature, c'est une... Un licker. La première bébite que tu rencontres dans Resident Evil 2. Wow. Mais... le build-up de voir qu'un licker est une créature terrifiante là, a été réduit à néant à Resident Evil 2. À cause de ça. Ouais. Fait que... Non, c'est ça. J'ai comme fait... Dans mon cas, j'ai jamais trippé sur cette série-là là, de Resident Evil. J'ai quand même arrêté au troisième, puis le troisième, je l'écoutais à la télé, puis j'ai fait comme non. Oubliez-moi. Avez-vous vu la nouvelle série de Teenage Mutant Ninja Turtles? Non. Non, monsieur, mais j'en ai tellement parlé. Moi, j'ai écouté le premier épisode qui durait une heure et j'ai trouvé ça très drôle et très amusant. Parle-nous un petit peu. Entertaining. Parle-nous un petit peu, vu que ben moi et PPL, on fait partie du podcast de l'animation. J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu c'est quoi la prémisse de la série, le dessin. Es-tu capable de nous faire ça un petit peu? Ben, c'est en 3D, probablement. En premier, c'est en CGI. Ah, OK. Puis c'est un petit peu plus cartoony, puis ça revient un petit peu aux bases de la série des années 80. OK. Avec un mélange de ce qui s'est fait récemment là, dans la série 2003. OK. Oh! Mélange les deux ensemble, puis ça donne quelque chose d'assez. C'est le fun, là. Écoutez, là, sérieux. Là. J'ai eu du fun. J'écoutais ça avec ma blonde, puis on a bien ri, puis on a bien aimé l'action. Puis... Le public qui est visé, c'est vraiment les jeunes ou c'est. Ah oh, oui, ben, c'est sûr que c'est les jeunes. Là. C'est Nickelodeon. Okay. Ouais, c'est Nickelodeon. Ça. Okay. Mais c'est ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça valait la peine. Là. Il y avait beaucoup d'humour. Puis, C'est où à YTV, à Fox. Télétoon. Télétoon Version anglaise. Télétoon anglais, ouais. Ok, ouais, c'est ça. Parce que le... Français, on n'a rien reçu encore. Mais non, c'est cool. Je t'avoue, tu m'apprends cool. Quelque chose parce que je le savais même pas. Oui, c'est sorti en fin de semaine. Ah, ça a commencé en fin de semaine. Je vais essayer de regarder ça. J'ai Télétoon anglais ici. Je vais regarder si je suis capable de l'avoir. Ça va me faire mieux passer la pilule du film de Michael Bay, là. Lequel? Ah, oh, mais ça, il a annulé, hein? Ah, c'est annulé, Aster? Ah, il y avait beaucoup trop de critiques. Non! Il était temps des Aliens. Ben oui, d'après ce que j'ai su, d'après ce que j'ai compris, c'est plus d'actualité, ça. En tout cas, je vais aller voir sa page d'IMDB, là. Ben, ils mettent encore 2014. Ah ouais? Ben, ok. Ok, en tout cas, je pense que... Je pense qu'ils vont annuler ça, mais en tout cas, j'avais lu un article là-dessus. Ben, il y a tellement eu de rage de la part du public, mais et ça, pas juste avec les réseaux sociaux. Il y a eu des pétitions à la tonne. Mais Michael Bay a lui-même dit « Ça, c'est mon histoire, puis je m'en fous de ce que vous pensez, blablabla. Bla, » bla. Parce que j'ai un article ici qui date du 15 juin 2012 puis qui ça. Dit que le projet de Turtles de Michael Bay a été cancellé ou shut down. Ouais. Ah ben... En tout cas, si c'est ça, ça va... C'est pour ça que ça sort en 2014, parce qu'ils refont l'histoire. Ah, probablement qu'ils vont peut-être mettre un autre réalisateur là-dessus, là, parce que... D'accord. Dans ce cas, Hollywood, s'il vous plaît, écoutez les accros. Pas Paul W.S. Anderson. Hein? Pas Paul. Quoi? Que Paul ne... que Hollywood ne prenne pas Paul Anderson pour faire le film de... Ouais. Ninja Turtles? Non, je pense pas. Ça m'étonnerait. Non, c'est ce que je viens de dire. Qu'il fasse pas ça. J'espère. Non, de toute façon, W.S. Anderson, c'est le genre de gars, on dirait, qu'il aime faire ses projets solo, là. T'sais, ouais, ouais, il, ouais. Fait, il travaille avec Lionsgate, fait, on s'entend-tu que c'est pas un gros studio comme les Warner Brothers là? Ouais, il y a ça. Fait que non, ça m'étonnerait bien gros, à mon avis. Mais en parlant de Turtle, avez-vous déjà écouté le cartoon Turtle Forever? Oui. Ça prend la série 2003, puis ça y rencontre l'ancienne série à cause de plein d'univers parallèles. Oui, ouais. T'avais-tu aimé ça, toi? Oui, j'ai trouvé ça bon. J'avais trouvé ça très bon, moi. Ils ont amené les premiers vrais Turtles en noir et blanc là, du comic book. Là. Exactement dessinés pareil, etc. Badass, là. C'est la première fois que je les voyais, parce que j'ai jamais lu les comics, là. Puis je les regardais, j'étais comme, nice, c'était ça. Puis en plus, genre, j'entendais des chums qui me disaient, ah, et en plus, ces tortues-là, là, c'était, ils sacraient, ils buvaient. Ouais, mais dans le cartoon, on s'entend qu'ils font pas ils feront pas ça. Et dans le comic book, c'était effectivement très violent, même. Ouais. Ah, ça, c'est fait comme nice. Sérieusement, ça me donne le goût là, de lire la BD. Là, gamin, j'ai trippé là-dessus. Moi, je me rappelle d'avoir écouté la série télé des Tortues Ninja à la nouvelle génération. J'avais trouvé ça mauvais, là. Ah, oh, mon Dieu. C'était quel, ça? Avec la fille dedans. Ah, oh, ça c'était de la merde. C'était vraiment de la merde. C'est genre le style Power Rangers. Là, ouais. Avec les tortelles. C'était vraiment mauvais. Tu sais qu'il y avait un épisode de Power Rangers où les tortelles étaient dedans. Oui. Et c'était horrible. Oui, c'est horrible. C'était vraiment mauvais. Mais la série de 2003 elle est quand même pas pire. Ça a duré longtemps pour ça. Ça a duré quasiment 6 ans. Ouais. Il y a eu plusieurs plaintes parce que c'était trop dark, mais en même temps. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai toutes les DVD ici. Moi, il faut que je les achète. Moi, c'est une série que je veux, ça, c'est sûr. Là. Il y a peut-être juste la passe Fast Forward qui était un petit peu moins bon. Là, parce que là, il était dans le futur. Oh, ok, ouais. Et pour ça, ils reviennent dans le passé là, pour continuer la série normale. Là. Ok. Ça, j'ai comme arrêté dans les premières saisons. J'ai fait comme là, j'avais d'autres choses à faire, j'avais pas le temps d'écouter. Ouais. Mais non, sérieusement, ça va être quelque chose que je vais regarder. Ouais, je te conseille. Ouais, génial. Écoute, j'avais aussi suivi ton conseil rétro dès que je le pourrais. Parce que je t'avouerais que j'ai. pas tant écouté la série 2003. Bon, pas grave. C'est ça qui arrive quand t'as pas le câble chez vous, mais et que le câble t'intéresse pas, tu manques toutes les bonnes affaires comme ça. Malheureusement, oui, mais bon, si tu vas faire comme moi, tu vas aller acheter les DVD ou ben, tu vas essayer de les retrouver, là. Moi, penser, ouais. Écoute, je te conseille aussi Transformers Prime. Transformers Prime, je connais. Ouais. C'est la nouvelle série qui est sortie l'année passée. Ok, non, moi j'ai coffré de la première série, les premières saisons chez nous. Ah oui, mais là, tu parles de l'ancienne série. Oh, la toute première série, là. OK, mais ça, moi, je parle de la nouvelle qui est sortie récemment. OK, ça, je t'ai pas encore rendu là. Aussi qu'on voit Optimus Prime mourir pour tes péchés. Oui, il est mort pour moi. De quoi tu parles? Tu parles du film, l'ancien de 86? Oui. OK, mais vous savez qu'il y a eu d'autres séries de Transformers après, là, que ça s'est pas arrêté là. Je me rappelle d'avoir écouté Beast Wars. Ça n'a jamais arrêté, là. Non, c'est ça, là. C'est tout dans pas, là. Moi, je me rappelle d'avoir écouté Beast Wars, j'ai fait comme... Pourquoi ça a rapport avec les Transformers? Je comprenais... Tu sais, je capotais pas de voir, tu sais, les Transformers se transformer en robots animaux, là. Ah, mais il y a une raison pour ça. Ouais, il y avait une raison. Bonne raison, d'ailleurs. C'est assez spécial. Beast Wars, c'est une des meilleures séries de Transformers que j'ai jamais écoutées. Mm-hmm. Beast Wars, hein, ouais. C'était très bien écrit. Oui. Ouais. bien écrit, puis l'image de synthèse dedans était vraiment belle pour l'époque, là. Ouais, pour l'époque, c'était immense, ça, là. Puis surtout que c'était un studio canadien qui le faisait, là. Ouais. C'est celui-là qui a fait le reboot. Ils ont ceux qui ont fait le reboot. Ouais. Mais j'ai jamais joué au jeu, par an. Je sais qu'ils ont sorti un jeu Beast Wars, mais j'ai jamais joué. Non, c'était Damant. Ah, c'était Damant. En fait, il y en a eu deux. OK. Il y en a un, c'était Beast Wars Transmetals, qui était un jeu de combat. OK. Au PS1, right? Ouais, au PS1. Puis l'autre aussi, c'est au PS1. Puis c'est de la merde. OK. Mais il n'y a pas eu de bons jeux de Transformers avant Transformers War for Cybertron. J'avoue, hein. Ça, là, ça torche, mon gars. Là. J'ai jamais joué encore, mais... Non plus. Ce que j'ai entendu, là, c'est... ça a l'air que c'est très bon, un bon jeu d'action. Ça torche. Si t'aimes moyennement des robots qui se pètent la gueule, là, va chercher ça. Va chercher War for Cybertron. Tu parles d'un gars qui adore War for Cybertron? Ouais. Tu parles d'un gars qui aime les Mech Warriors, fait que tu sais... Ben, va te chercher War for Cybertron puis les sequels Fall of Cybertron, tu vas capoter, mon gars. Ah, génial. PS4 puis Xbox 360, j'imagine? Oui. Mm. Ah, génial. PC aussi, si vous avez un PC de la mort. Non, pas moi. Même si tu me dis de le changer encore. moi, ça va être pour plus tard également, là, un quad cœur. Je check peut-être pour un Alienware, là. Ah, oh, il me tente bien gros, là. Ah, pas ton argent, là. Ah, non. Ah. Non. Fais pas l'erreur que moi j'ai fait. ah ouais, rétro. C'est des bonnes machines, mais ça vaut pas le prix. OK. Ah bon? Merci. Ouais. Ça vous tente-tu qu'on aille dans les nouvelles? Il serait temps, je pense. Ah oui? OK, bon, partons dans les nouvelles. Je sais pas, les gars, si vous aimez les Pokémon. Pas spécialement. Non pas vraiment. Désolé. Non, il y a pas de trouble. Mais on a un bon lot de fans. De nos fans qui aiment les Pokémon. Oui, quand même. Puis ce sont de très bons jeux. Moi, j'aime les anciens Pokémon. J'ai arrêté à Gold et Silver. Pour moi, c'était ceux que j'aimais. Mais... Tu te parles de ceux qui disent c'était mieux quand il y avait juste 150 Pokémon, c'est ça? 250, c'est en masse. C'est parce qu'à un moment donné, 600, le problème, c'est de savoir, OK, tel Pokémon, il peut faire ça, mais celui qui est devant moi, je sais pas. Puis tu sais, genre, lui, à ce temps, ils ont comme trois pouvoirs mélangés, là. Pis ont comme deux weakness, mais faut que tu saches lesquels. Fait que tu sais, c'est comme, oh non, ok, quel Pokémon? J'essaye ça. Oh non, marche pas. Puis m'emmener 650, t'es pas capable d'en reconnaître, là. Je t'en connais pas de nom, là. Non, ça, le monde rit de moi quand je dis que j'aime Skylanders. Comment osse-t-il? T'as même pas 150, là. Comment osse-t-il rire de toi pour Skylanders? Ah, ils ont pas fait encore un Poké-Rap avec ça. Faudrait. Fait que, ben écoutez, les fans demandent depuis longtemps qu'il existe un MMORPG de Pokémon. Oui. Mais malheureusement, le producteur des Pokémon, Junichi Masuda, a dit en entrevue récemment que le principe de Pokémon, c'est de faire de l'échange vis-à-vis une autre personne. Et que faire un MMORPG avec Pokémon, ce serait quasiment impossible. tout cas impossible. Ouais, c'est ça. Selon moi, de ce que j'ai compris, c'était plus la marque qui disait finalement, ça, c'est comme ça, elle tente pas pantoute de faire un MMORPG. Puis qui pense que Pokémon, c'est fait vraiment pour que tu sois à côté de ton chum et dire, hey, je veux tel Pokémon, échange-moi les. Ok, puis pendant ce temps-là, ils laissent Blizzard utiliser ce concept-là avec Mr. Fantario et les pets. Les Nintendo sont difficiles à suivre, hein, vous le savez, les gars. C'est un de leurs gros problèmes, Nintendo. Ils sont pas actuels, slash, ils refusent d'être actuels. Parce qu'ils veulent vraiment se proclamer haut et fort comme étant les leaders des jeux vidéo. Et pendant ce temps-là, comme Retro dit, ben Blizzard, il éclenche là-dessus. Puis Sony éclenche en matière de qualité de machine. Ben, pas qualité, mais de performance de machine. Ouais. Ouais, mais ça. C'est voulu de leur part. Ça, on s'entendra pas là-dessus parce que tu sais que moi, les performances de machine, j'ai rien à foutre. Mais je suis pareil, moi et tout. Là. C'est les jeux qui vendent le hardware, pas l'inverse. Regarde, j'ai été capable de donner un 10 à Xenoblade. Hein? Tu peux quand même voir le potentiel par le hardware. Oui, mais si les jeux sont pas là, le hardware vaut rien. C'est un fait. Regarde, la PS3 est pas maximisée encore. Non, ça c'est un fait également. Tu regardes le nombre de jeux de marque qui sort. Je fais juste penser à l'air. Yeah. Bon, tu vois. Tu sais, c'est beau que tu ailles la machine la plus puissante qui est capable de donner les plus beaux graphiques. Si t'as pas une bonne équipe en arrière pour la maximiser, t'es fait. Mais je te dirais que le vrai problème, c'est qu'en général aussi. Je dirais de toute façon, malheureusement, côté concevoir un jeu, surtout de nos jours, ben, c'est plus comme c'était, puis ça, c'est toute console confondue, quasiment. C'est sûr, mais il faut quand même que t'ailles chercher ton monde. Les compagnies doivent chercher leur monde. Il y a une raison pourquoi que la Nintendo DS, plutôt le système de DS, que ce soit 3DS ou DSi ou DS Lite, soit la plus appréciée en général. Ben, je te dirais qu'en ce moment, ils se font pas mal dépasser par iOS et Android. Ouais, mais c'est pas la même plateforme, ça, là. Ouais, c'est ça. Il y a pas 50 millions de personnes qui jouent sur un iOS, là. Non, mais t'as quand même une population qui est plus, comment dire, ils ont accès plus rapidement à ça que d'aller s'acheter une DS. Ouais. Tu vas chercher casual avec ça. Avec le iOS, oui, mais ça fait pas des bons jeux nécessairement. Non, pas nécessairement. Puis regarde pourquoi que la 3DS performe un peu plus que la PS Vita, ben, c'est les jeux. Ouais. C'est pas à cause de la puissance. Non. Totalement raison. Les jeux sont sur la 3DS, puis that's it. Reste que effectivement, la Vita elle a un grand potentiel, mais la Vita, son grand défaut, c'est qu'elle exploite pas elle-même son potentiel. Puis même PlayStation, il semble avoir beaucoup de misère avec à produire des bons jeux, puis c'est comme machine-là. Ils ont de la misère en chien. J'ai vu la critique sur Monsieur Net de Little Big Planet sur PS Vita. Ouais. Puis il disait qu'il y avait de la misère à jouer avec les écrans tactiles. Voyons donc. Ben oui. Oh, wow. Ouais, mais il y a déjà au départ, il y a beaucoup de monde de gamers qui n'aiment pas jouer avec les écrans tactiles. Yep. Même moi, j'essaie de jouer des fois avec des jeux d'action sur ma tablette, là, puis c'est vraiment de la merde, là, sérieux. Oh, ça répond oui. pas comme faux. Puis moi, j'ai besoin de sentir de quoi en dessous de mes pouces, tu sais. Pour moi, un écran tactile sur une console, c'est seulement pour, tu sais, un choix de menu. Ouais. Attends, je vais aller chercher quelque chose de rapide, je veux l'avoir sur l'écran, je pèse dessus une fois, that's it. Pour ça, je peux reprendre ma manette, puis je peux continuer à jouer. Puis les doigts sur une tablette, surtout dans les jeux d'action, si t'es toujours en train de mettre tes doigts partout dans l'écran, mais tu vois même pas ce qui se passe. Ah non, parce que là, c'est ça. T'sais, si moi, je veux voir l'action, je veux voir en full screen. On a dégagé l'écran pour ça. Mm-hmm. T'sais, on essaie d'avoir le moins de trucs possible, moins d'interface possible dans un écran pour qu'on puisse voir tout. Et quand t'as les doigts tout le temps dans l'écran, c'est de la merde. Totalement. Est-ce que c'est prêt à dire que les mêmes arguments peuvent être appliqués sur Legend of Zelda, Phantom Hourglass et Spirit Tracks? Ben, c'est parce que c'est bien fait. Déjà, en partant, c'est des jeux de DS qui m'énervent. Ben, ils sont bons quand même, mais c'est pas pareil parce que... Quand je pourrais dire, c'est pas un jeu d'action en tant que tel. Yes, sir. Je sais pas si t'as déjà joué un jeu sur scroller sur iOS, là. Non, pas encore. Ah, essayez. Je dois te faire cet aveu que non. Bon, et moi, j'essaie, mettons, de jouer un side-scroller sur ma tablette, là, puis les contrôles, ça répond pas, parce que tu sais jamais où tu places tes pouces. Mm. Les écrans tactiles, les jeux, ils sont setés pour que ton pouce pousse à telle place puis à telle place. Mais quand tu n'as pas de tactile en dessous du doigt, tu sais pas où est-ce que tu mets ton pouce. Fait que des fois, tu le mets à côté totalement. C'est le gros problème des jeux de tablette ou des jeux de téléphone actuels. Les seuls jeux que je suis capable d'être-dessus, c'est les RPG. Oui, c'est encore là, ouais. RPG tour à tour. Moi, j'ai acheté Shining Force sur iPod. Touch. Puis Shining Force, je trouve qu'il va bien quand même. Là, si, bon, j'ai un peu de misère des fois à placer le bonhomme parce que, bon, on n'est pas rien que tactile. Par exemple, les trucs tactiles, c'est ça, ils performent dans les genres de jeux où le tactile ne dérange pas le gameplay. Ouais, c'est ça. Comme dans les Tower Defense, puis toutes ces affaires-là. Là, parce que moi, je suis de ton avis, Sylvain, j'ai acheté Sonic 2 sur iPod Touch. Tabarnan, j'ai de la misère. Comment t'as fait pour jouer à ça là-dessus? Je suis pas capable de faire le deuxième tableau. Ah, marrant. Aïe! Sonic 2. Tellement que les contrôles sont mauvais. Tu sais, il y a un shot à un moment donné dans Sonic 2 où t'as un. Quand même un petit. T'as un amas bleu. Voyons, dos bleu, mauve. Ouais. Tu sais, faut que tu réussisses à bien sauter cette petite plateforme pour sauter. Puis après ça, t'es correct. Tu t'en vas vers le boss. Ben, je meurs tout le temps là parce que j'ai de la misère à bien gauger le saut. Je suis pas capable de contrôler Sonic quand il saute. C'est déjà pas bon, ça. Ouais, c'est totalement mauvais. Mais tout ça découle d'une conversation pour dire qu'il y aura pas des mémos de Pokémon. C'est ça. On va loin. C'est dommage, en fait. Hein? Ça communique bien avec la prochaine nouvelle, par exemple. Oui. Parce qu'on va parler des titres de la sortie de la Wii U. Oui. Oh. Alors, j'ai la liste officielle ici des jeux qui sortent. Ouais, j'ai vu ça, moi aussi. Puis, on va en discuter. Voyons voir si vous appréciez les jeux qui sortent. Fait que le premier, Assassin's Creed 3. Ben oui, ça c'est... Est-ce que c'est la version Wii U que tu vas acheter, Sylvain? Ça dépend si je suis capable d'avoir une Wii U ou pas. OK. Mais si tu... Mais c'est sûr que je vais avoir Assassin's Creed d'une façon ou d'une autre. Là. OK. Sinon, Batman? Oui, ça c'est sûr, certain. Batman, si vous, effectivement, vous n'avez pas la version... sur les autres consoles, et ce serait le plus recommandé, je vous dirais, parce que, ce que j'ai lu, ils ont utilisé vraiment la tablette de façon cognitive, vraiment, vraiment, vraiment intelligemment. J'ai très hâte de voir ça. Moi, j'ai juste joué à la version PS3, mais ils disent qu'ils donnent en plus des bonus supplémentaires quand tu joues. Dans Armored Core, ouais. Armored Core, c'est vraiment génial. T'as des costumes de plus, t'as des armures de plus, Oh oui. C'est... Des armures, là, pas des costumes. Juste des costumes. Fait que, donc, j'ai hâte de voir ça. T'as même justement le droit au costume du très vieux Batman des années 66, justement. Pour le plaisir, Sylvain. Ah oui, absolument. Sinon, à part ça, Call of Duty. S'y attendre. Je joue pas. Darksiders 2. Oui. Je sais pas qu'est-ce que... Ça a l'air, en plus... Excuse-moi, toi, vas-y. C'est l'SLPL. Moi, je me fais tellement dire que c'est bon, ces jeux-là. Messieurs, je m'en reviens à vous. Est-ce que c'est bon? Si t'adores Zelda... Ouais, c'est comme Zelda, genre. Zelda, mais tu jouerais la mort. Ouais, mais c'est comme Zelda, mais pour adulte. Oui, c'est ça. T'as des temples à faire pour aller chercher certains items, mais en même temps, t'as le combat est plus stylisé, c'est plus... Darksiders. Oui, Darksiders. 2. Moi, j'ai pas joué au 2 encore, mais... Il a un. Il a un. Faut vraiment la peine qu'il est pas cher, il va comme 20$ à cette heure. Dans mes Darksiders, dans le style que tu viens de décrire? Oui. Darksiders 2, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, c'est à peu près la même affaire. Sauf que dans le 2, t'as plus de stock. T'as des armes supplémentaires, t'as des. L'histoire à continuer, c'est sûr, là. Mi gusta! M'a checké ça! M'a checké ça! Ça, c'est un jeu que je voulais acheter pour Xbox, mais là, comme ils ont été annoncés, je vais l'acheter pour la Wii, Puis de ce que j'ai entendu, Darksiders 2 va pouvoir juste se jouer également juste sur la tablette. Ouais, les deux en même temps. Donc, c'est quelque chose quand même qui est génial. Là. Intéressant, intéressant. Epic Mickey 2. Ouais, c'est pas si pire, ça. Ça peut être fun. Ça peut être très, très fun pour les plus jeunes. Mais j'ai aimé le premier, sérieux. Puis, je te dirais que le premier, là, c'était... Oui, c'était fait pour la famille, mais il est dark. C'est vraiment un jeu dark. Ah, oui. Disney sont dark. Ils sont juste dark d'une façon subtile. C'est ça. Mais je te dirais que l'histoire était dark, c'était quelque chose qui était pas joyeux, là. Ah non? Ah non, non, non! Ah, regardons ça, toi! Ah, je te t'étais, hein? Mais c'est oui. Vraiment, loue le premier. Loue le premier, voir si t'aimes ça, ça oui, là. Puis tu m'en donneras des nouvelles. C'est, ouais, ça donne, ouais, ouais, ça. Puis il est pas cher, le premier, là, cette heure, là. Je pense qu'ils le vendent 15$ US. Ouais, mais tu peux l'acheter 9 à 20$, je pense. C'est ça. Mais regardez, messieurs, je pense qu'on va d'abord checker pour. Allô? Oui, oui, oui. Oui, oui. Okay, parce que mon Skype fait des petits défauts. Je pense qu'avant, on va checker pour Darksiders avant de penser pour Epic Mickey. Il n'y a pas de problème. ESPN Sport Connection. Bon. Je sais pas c'est quoi. C'est des trucs de sport, là. Ouais. Baseball, hockey, football, raquette, claquette, curling. Pole dancing. Pole dancing. FIFA Soccer de 2013, on s'en fout. Français, on pense à nos amis français. Next. Game Party Champions, ça a de l'air mauvais. Bof. Just Dance 4. Ça pourrait être bon pour ceux qui aiment les Just Dance. Là. Je pense à ma blonde. Genre. New Super Mario Bros. U. Mais ça, c'est un must, là. Ouais, c'est un must. Sauf en même temps, c'est leur sens-ci, c'est la première image, c'est la même affaire que New Super Mario Bros. DS, New Super Mario Bros. Wii, New Super Mario Bros. DS2. Mais il va se vendre, c'est sûr. C'est sûr qu'il va se vendre. Pis Mario, point final. C'est Mario, c'est point final. Alors, il y a des fortes chances même qui soient même très le fun. Mais, been there, done that. Mais oui. On s'en fout, Mario. Point. Your argument is invalid. Ninja Gaiden 3, Razor Edge. Ben, Ninja Gaiden 3 est déjà coté comme étant un navet international. À moins qu'il améliore vraiment là, avec la Wii U, mais si c'est la même version, c'est de la merde. Ah, m'étonnerait bien gros. Sinon, Nintendo Land. M'intéresse pas pantoute. Non, c'est, pas des, c'est pas un jeu de mini-jeu, justement, ça? Ouais, ça ressemblait quasiment à Wii Party, fait que... Bon, c'est quelque chose que t'achètes pour vraiment avoir du fun, là, comme Mario Party. C'est là. Ça. Ben, pour les enfants. Groupe, là. Ça a l'air plus orienté pour enfants. Ou quand t'invites la visite chez vous, là, comme moi, je vais probablement faire, fait que... Rabbit Land, avec les lapins crétins. Moi, je me suis fait dire par un de mes amis que, justement, lui, il est après ce jeu-là, parce que c'était... Parce que oui, c'est con, mais c'est ça qui fait que c'est le fun. C'est que c'est tellement con, les lapins crétins. Ben, le premier était drôle, là. En parté, je l'ai fait une fois ben sous, puis c'était drôle, là. Il fallait que je sois sous. Et qu'est-ce qui était drôle, le fait que t'étais sous ou le jeu? Le jeu était drôle quand t'es sous. Ok, c'est bon. Après ça, on a Scribble Notes Unlimited. Oui, ça, c'est bon. Ça, ça pourrait être avoir du potentiel, oui. Oui, ça, je vais essayer ça, m'emmener au moins la version DS. Marilyn va peut-être le faire une critique à m'emmener. Selon moi, c'était une critique. Une critique. Marilyn, on demande est-ce qu'on fasse une critique de Scribble Note sur DS. Est-ce que ça te tente? Peut-être. Peut-être. Yay! Yay! Les gens sont contents. Alors, Sing Party, un jeu de karaoké. Ok, attention. Tu vas dire le prochain, je le sais. Oui, quoi. Je dis le prochain, là. Scalander Giants. Oh yeah, baby. Oh yeah. J'en sens un qui va être rivé. C'est clair que c'est ça que je prends le premier jour. Avec toutes les figurines qui sont dans l'allée en plus. Ouais, mais ça, je suis obligé de commencer à les acheter avant. Ah, ok, ok. Il sort le 21 octobre. Sortir en même temps que la Wii U, Scalander Giants? Oui, non, il sort ses autres consoles le 21 octobre. Mais, ok, avec toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais m'acheter des figurines si je t'attends que la version Wii ou ça. Smart move. Je ferai pas la même erreur que la dernière fois. C'est bon. Sonic and All-Star Racing Transformers. Mario Kart Sonic, finalement. Ouais, c'est possible. Non. Tekken Tag Tournament 2, Wii U Edition. Tekken bon. Tag, j'ai bien aimé le premier. Faut aimer ouais. Tekken. Faut aimer Tekken. Faut aimer Tekken, ouais, c'est ça. C'est ça. Si t'aimes les combats réalistes, même si, bon, un peu fou des fois, là, mais j'aime quand même la série de Tekken, c'est vraiment bien. Transformer Prime, on en a jasé un petit peu tantôt. Ouais, ça, c'est le jeu de la série. Je vais attendre de voir les reviews pour qu'ils comparent à War for Cybertron puis okay. Fall of Cybertron pour voir si ça vaut la peine, parce que dans les jeux de Transformers, c'est hit or miss. Okay. Fait que, c'est clair, ben, n'importe quel jeu de licence, c'est hit or miss. Ouais, mais comme je pense, c'est pas la même compagnie qui a fait War for Cybertron, puis Cybertron. Je pense. Parce qu'il faudrait que je m'informe, mais je pense que c'est pas la même. Mais il va argumenter, mais disons que ça ne l'est pas. Mais je pense que ça ne l'est pas, c'est ça. Faut, je vais attendre des reviews pour comparer à ce qui se fait déjà. Là. Après ça, on a Warrior Orochi 3 Hyper, qui est un Dynasty Warrior mélangé avec une autre série également. C'est tout ça. Il me semble que c'est des robots dans celui-là. Je suis pas sûr. Oui. C'est des robots. Il me semble que c'est Dynasty Warrior, mais en robot. Des mecs, ouais, c'était des mechas. Oui. Ouais. Ça va l'air pas pire, ça. J'avais vu les vidéos de ça. J'ai jamais joué, moi. J'ai juste joué à Dynasty Warrior 3, 4, 5, 6, toute la suite, là. OK. J'aime quand même me prendre une fin de semaine puis jouer à ça, puis avoir du fun à tuer 2000 personnes avec seulement mon épée, là. Je me rends compte que c'est si ça existerait véritablement, on serait dans la map pas mal avec notre armée, là. Sinon, pas ça, Wipeout 3. Je pense pas que ça fait partie de la série Wipeout qu'on connaît. Ouais, OK. Your Shape. Fitness Evolve 2013. J'avais déjà critiqué le Your Shape, donc peut-être que ça va être bon. Et le dernier, Zombie U. Ben oui. Zombie U, ça, je pense que c'est un des plus... C'est-tu moi ou lui, c'est un des plus attendus pour la Wii U? Pour ce qui est des hardcore gamers, je pense que oui. Ouais, ça va être vraiment différent. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Mais j'espère qu'ils feront pas comme... C'est Ubisoft, il y a des grosses chances que ça soit peut, bon. Mais ça peut planter également. Regarde, Red Steel. C'est vraiment là-dedans. Moi, je pense à Red Steel le premier, là. Ouf! Ça va de l'air bon! Oh, dis que c'était plate. Ah, ben. En tout cas, selon les vidéos qu'on a vues, ça avait l'air bon. Mm-hmm. Ça avait l'air bon selon les vidéos. C'est fait par Ubisoft, qui est quand même une compagnie respectable. Mm-hmm. Plus ou moins, mais bon. Il y a beaucoup de talent chez Ubisoft, là. On peut pas le nier, là. Ben, plus... Dans ce cas. Ça dépend quel studio. Là, c'est pas... Moi, je parle pour toutes les Splinter Cell et Assassin's Creed de ce monde, là. Ben, c'est parce que ceux-là sont faits à Montréal. Mais t'as des studios ailleurs. Il y en a un, je pense, qui est à Shanghai. Lui, il s'occupe d'habitude des Splinter Cell, genre les 2, 4, 6, tu sais, genre ceux qui sont dans les milieux, là. Ils sont pas si bons que ça, eux autres. Moi, je les ai aimés, ceux-là qui sont sur console. Ben, il y en a une... Ben, je trouvais que, tu sais, comme par exemple, Pandora Tomorrow, c'est eux autres qui l'ont fait. Je suis vrai qu'on peut. C'est bon. Bon, il est bon, mais il offre rien de nouveau. Comparé au 3, où est-ce que Peut-être que c'est parce que je suis conservateur un peu, mais pas ça. Ouais, c'est pas grave. Ton droit. Mm. En tout cas. Prochaine nouvelle pour les. T'as manqué un jeu. Lequel? Actuellement, Bayonetta 2 sort sur Wii U. Oh. Pas la journée de sortie. Pas la journée de sortie? Non. Non. C'est pas ça. Okay, en 2013. Moi, j'avais compris que oui, sortait à sa sortie. Mmh. Ok, j'ai gouré. Non, c'est ça. C'est pas la même. Ben, il sort un petit peu plus tard, je pense, dans 2013, le premier quart. D'accord. Ouais. Alors, on y va avec la prochaine nouvelle. Excusez-moi. Ouais, ça arrive. Pour ce qui est des détenteurs de New Super Mario Bros. 2, il y a 3 DLC qui vont être bientôt disponibles cette semaine. Attends, excuse-moi, rappelle-moi ça. Il va y avoir des DLC pour New Super Mario Bros. 2. Ouais, mais il était déjà sorti celui-là? Gold Rush Pack? Moi? Ah, mais il annonçait ça cette semaine, fait que ça peut que ça soit déjà sorti ou pas. Ok. Parce qu'on va quand même informer nos membres... De ce qui sort. Ah, ok, c'est vrai. C'est parce que moi, je suis Nintendo Life. Les autres sont en UK. Fait que ça sort avant. Là-bas, ah, ça se peut. C'est pour ça que j'ai eu ça. C'est vrai que ça va sortir le 4 octobre. Fait que il y a trois DLC qui vont être disponibles. Gold Rush Pack, avec des courses pour les joueurs novices qui leur donnent des chances de ramasser beaucoup de gold. Coin Challenge Pack A, qui donne les rankings basés sur les sur les joueurs un petit peu partout au monde, combien de coins qui ont été capables d'aller ramasser. Puis le Nerf Rack Pack, qui est un des courses qui sont désignées pour les joueurs qui sont plus expérimentés pour des nouveaux challenges finalement. C'est pour ramasser plus de coins possible. Les prix vont être 2,99 à chaque DLC américain. Je ne sais pas pour le prix canadien. C'est la même chose. Et ça devrait sortir cette semaine. C'est, ouais, t'as 2,99 toi, si moi ça dit 2,50. 2,50? Non, ça se peut peut-être que ça a changé. Mais ça se peut qu'on vient 2,50. Alors, après ça, si vous achetez un jeu de un des 5 jeux téléchargeables que je vais vous dire, vous allez pouvoir obtenir le jeu de Donkey Kong Classic gratuitement. Oh! En version téléchargeable. Je vous dis c'est quoi les jeux. C'est Art Academy Lessons, Paper Mario Sticker Star, Professor Layton and the Miracle Mask, Style Selvie ou Crossword Plus. Pour ce qui est de les avoir, il faut absolument l'acheter en téléchargement. Ok, donc tu peux pas l'avoir le jeu physique. Non, quand tu achètes la boîte physique, c'est ça. Tu n'as pas ce jeu-là en téléchargement. Tu n'as pas le Donkey Kong classique. Non, c'est ça. Nintendo, au moins, il essaie de faire la promotion du téléchargement. Ouais, c'est un bon move. C'est un bon move. Alors, c'est quand même bien, mais je sais pas. Moi, je suis pas un tripeux de Donkey Kong original, là. Fait que c'est. Donkey Kong. C'est Donkey Kong, oui, mais je lis sur mon Nintendo. Fait que. Je ferai une critique de la version Atari bientôt. Ah oh. Oh, oui, tellement. Tellement. Je l'ai déjà vu, je l'ai pas acheté, puis j'hésitais, là. Je pense que je l'ai, moi, en plus, chez nous. Oui, je l'ai, je le vois devant moi, là. Je l'ai pour Atari. bon, fait que, Rétro, ferme tes oreilles. Non, non, quoi? On va parler un petit peu d'iPad mini. Ah, oh, tabarnak. Tu m'as perdu, je suis une biais. C'est ça que je t'ai dit. J'en reviens. Bye, c'est Rétro? Quoi? Moi aussi, je suis pour les Android. Pas fait que... Ben, tu vas parler tout seul. Tout seul, hein? Alors, Non, moi, être poli, il me retient avec Ben quand même, là. Pour okay. Pas que tu t'entends le pauvre-ci. D'après CNN, le 10 octobre, c'est le 10 octobre que Apple va envoyer des invitations pour le keynote, un événement qui va se passer le 17 octobre prochain. Et ça devrait parler du nouvel iPad mini qui était maintenant, ça fait 2 ans qu'il en parle partout mm-hmm. dans le calendrier. Et ça pourrait être le 2 novembre qui sort. Il pourrait s'appeler le iPad Air. Il y aurait le comment? Le iPad Air. Le iPad Air. Air comme l'air, là. AIR. Il pourrait avoir une taille de 7,85 pouces. OK. Il serait aussi puissant qu'un iPad 2. Et il serait commercialisé à 200$. Ben écoute, dans toi puis moi, c'est genre, en fond, c'est juste. C'est juste, dans le fond, la taille de l'écran qui est réduite. Je veux dire, il n'y a pas de raison que la performance soit également réduite. Ben, c'est l'équivalent d'un iPad 2, qui est à peu près l'équivalent de tout ce qui est des pads en ce moment de chez Apple. Parce que on s'entend que c'est pas tout le monde qui a changé leur tablette. Là. Uh-huh. On va avoir des nouvelles probablement dans les entours du 17 octobre, voir qu'est-ce que ça donne. Mais à 200$, il va vraiment faire la compétition avec les petites tablettes des autres compagnies. Je pense à la Nexus 7, à la Samsung 10.1, je pense. Oui, Samsung 10.1. Galaxy 7 Plus, tu veux dire? Ouais. Samsung Galaxy qui fait encore des... je le sais, je me répète beaucoup d'un podcast à l'autre. Samsung qui essaie de... qui se bat beaucoup avec Apple. C'est dans les nouvelles partout. Mm-hmm. Fait que non, c'est ça. Je sais pas à quoi m'attendre, mais bon. Moi, mon choix, je pense qu'il est quasiment décidé. Là. Ça va être vraiment le Nexus 7 que je veux. Là. Mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de nos mondes, notre monde qui suivent plus iPad. Puis, c'est peut-être pour ça. Là. Je pense à Giger, notre ami Giger, que lui, il aime pas mal plus le... Il aime pas mal plus la console. Ben, je dis les iPads et iPod, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est bon pour lui, mais c'est bon pour les fans de Mac. Effectivement. Fait que rappelle-nous encore, c'est quoi ton pad, mon cher Retour Gamer? Mon pad? Ouais. Vends de ton pad. Samsung Galaxy Tab 7 Plus. Plus. What? Mais le nouveau qui est sorti, c'est Samsung Galaxy Tab 7 Plus 2, je pense. Plus 2? C'est le 2, finalement. Avoue que c'est du nom, ça. Plus 2. Je vais vérifier avant de m'avancer. Je sais qu'il y a un 2 quelque part là-dedans. Là. T'as peu. Okay. Samsung Galaxy Tab... Samsung Galaxy Tab 2. OK. Puis il y a de là en version 7.0 et 10.1. Ok. Non, je sais pas. Si j'achète pas le vieux iPad de ma belle-mère, on va peut-être songer justement à me pencher vers le Samsung pour supporter Samsung. Yes! Fait que d'ailleurs, je salive à chaque fois que je vois une pub du Samsung Galaxy S3. Là, je suis. Oh, j'en fais pisse, j'hésite peut-être à me le chercher. Le Samsung Galaxy S3? Mmh, ouais, il est en spécial avec ma compagnie que je fais affaire, là. Si tu fais ça, là, je me prosterne. Ah oui? Ah, non. Sérieux? Non. Ça va la peine? Je vais mieux te respecter. Ok. Pourquoi tu me respectes déjà pas? Elle a quoi? Non, je respecte, je vais te plus encore. Ok. Nice save, sir. Nice save. You. Tu viens de t'en sortir, là. Ouais. Fait qu'on va partir en pause musicale, les accros. On va s'en aller avec un album qui s'appelle, Random aka Meg. Lui, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des chansons de Final Fantasy VII, puis il rappe dessus. Alors, on va partir avec la première chanson qui s'appelle Introduction. C'est sur l'album Nobuo Orange Pack. J'espère que vous allez apprécier. Donnez-moi vos commentaires là-dessus sur cet album-là, puis on revient après la pause musicale. The life stream. That's what we call the river of life that circles our planet, giving life to the world and everything in it. The Shinra Electric Power Company discovered a way to use the life stream as an energy source. Because of Shinra's energy, we were able to live very comfortable lives. But wasn't that because we were taken away from the planet's life? A lot of people thought so. Shinra used their power to stop anyone who got in their way. Shinra had a special group of warriors called Soldier. And all of the soldiers had Genova cells put inside of them. Genova was a calamity that fell from the sky a long, long time ago and tried to destroy the planet. Anyway, there was this one soldier named Sephiroth, who was better than the rest. But when he found out about the terrible experiments that made him, he began to hate Shinra. And then, over time, he began to hate everything. Shinra and the people against them. Sephiroth hated the planet so much that he wanted to make it go away. And the people who tried to stop him. There were a lot of battles. For every battle, there was more sadness. Someone I love went back to the life stream too. And then it came, the chosen day. In the end, the planet itself had to make the battle stop for good. The planet used the life stream as a weapon, and when it burst out of the earth, all the fighting, all the grief, and all the sadness, everything was washed away. This is the story. Final Fantasy VII, Black Materia. Salut, c'est Éric Lafontaine et Maxime Paiement du Dernier des podcasts, le John McLean de la balado-diffusion au Québec. Et vous écoutez les accros des jeux avec Big Ben, Antithèse, Retro Gamer PQ et Marie-Lune. Les accros des jeux, le top 1 podcast avec un squelette puis une manette de NES dans le logo. On est de retour les accros. Hello. On est totalement revitaliés pour vous parler d'un sujet en particulier qui nous touche à nous trois particulièrement, parce que c'est une série qu'on aime énormément. La bière Alexander Keith. Non, j'aurais dit Montréal. Oh, fuck. Mais, Three Dead Fraction, je bois pas de bière. Mais, je dois dire qu'il y a une autre chose qui nous réunit les trois, et c'est Castlevania. Oh, Castlevania. Un des jeux de troisième partie. Si on pense à Nintendo 8-bit qui a connu un des meilleurs succès. Oui, effectivement. Évidemment. C'est un ramassis. Le premier jeu, c'est comme un ramassis des films d'horreur. Parlons-en du premier titre. Sorti en 1927, par la compagnie Konami. Puis on ramasse dans ce jeu-là, finalement, on joue le rôle de Simon Belmont, qui est un tueur de vampires et qui, armé de son fouet, le Vampire Killer, s'en va vers le château de Dracula pour détruire le monstre de Dracula. Et c'est un jeu qui ne pardonne pas. Mm-hmm. Non. Un jeu par cœur, mais un jeu tellement, mais tellement le fun. Ouais. Qu'est-ce qui marque le plus avec le premier Castlevania? Ben, le premier Castlevania, ce qui marque le plus, comme j'ai dit, c'était le fait que ça a été basé sur les films d'horreur connus, tu sais, Dracula, Frankenstein, La Momie. Oui. Tu sais, c'est tout là-dedans. Là. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression, en faisant une rétrospective là-dessus, qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le monde en veuille plus. Fait qu'ils ont mis vraiment n'importe quoi. Mm-hmm. Effectivement, je te dirais que le jeu est truffé de plein de références à des anciens films. On pense à Dracula, on pense à Frankenstein, la momie, on pense au werewolf, à la mort. À la mort, on pense à... Des méduses. Il y a même la méduse qui fait une apparence, merci beaucoup. Médusa, ouais. Médusa. Hey, il y a tellement de références là-dessus. C'est vraiment, on voit que que les concepteurs aimaient énormément les films de monstres des années 40 et avant. Là. Ben oui, absolument. C'est quand c'est rendu que même dans les crédits, les références continuent. Oui, écoute, c'est vrai. Écoute. Des fois, ça frôle le ridicule, là, mais... C'est un beau clin d'œil. Oui. Effectivement. J'ai vraiment aimé ça. On va parler d'abord du gameplay. Le gameplay, ben, c'est un side-scroller. On va de gauche à droite. On tue tout ce qui se passe devant nous autres et on essaie de passer le tableau. C'est un gameplay qui également... Oui. C'est un gameplay qui également offre une facilité de progression. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, même si c'est un jeu qui ne pardonne pas, ben, au moins, il y a également le compliment d'être un jeu dans lequel tu peux, même à ça, bien t'intégrer dans le flow. Je veux dire, c'est facile de te racheter de tes erreurs dans ce jeu-là, parce qu'il faut aussi pas oublier que le vieux Nintendo 8-bit, c'était beaucoup du... do or die, mais dans le cas de Castlevania, c'est également du SRR, mais c'est un SRR qui te donne une chance, une petite chance de t'intégrer puis de repenser à tes affaires. Ben, au moins, il te renvoyait pas au début. Tu sais, comme quand tu mourais, ben, il t'envoyait juste au début du tableau, il t'envoyait pas au début du jeu. Ah, c'est bol. Ah, c'est ça. Puis il y avait des sections dans le jeu, fait que quand tu mourais, tu réapparaissais à la dernière section que tu as traversée. Mm-hmm. Ouais. La porte, là. Mm-hmm. Oh, oui. Pensons au boss du jeu. Le premier, c'est la grosse batte. Oui, c'est la grosse chauve-souris. Oui. Très facile à tuer. Le deuxième, si je me rappelle, c'est la méduse. La méduse. Après ça, on continue plus loin, c'est la momie. La momie, hein, c'est ça. Momie. Ouais. Frankenstein après. Frankenstein. Puis il y a la mort après. Mort. Puis non, Frankenstein, oui. Ça, ensuite, c'est la mort, t'as raison. Oui. C'est tout. Après ça, comment vous les trouviez, ces boss-là? Trouvez-vous qu'ils étaient très difficiles? Il y a une certaine progression. Puis, c'est ça. Puis les armes pour les tuer sont tout le temps disponibles dans la section avant. Comme par exemple la hache. La hache pour la chauve-souris. L'obénite pour la méduse. T'as juste à pitcher ça à profusion, puis elle bouge même pas. Là. Mm-hmm. Puis pour ce qui est des momies, il y a deux façons de le faire. Moi, ma façon favorite, c'est de me mettre ces dalles, la plateforme qui est juste au-dessus, puis juste wiper juste à temps qu'il crève. Mm-hmm. Effectivement. Puis, il y a juste Frankenstein, j'ai jamais trouvé la bonne tactique pour le tuer. T'avais dit ça que j'ai jamais pensé à me mettre sur les dalles jusqu'à temps que j'aie une vidéo sur YouTube qui faisait ça? Ok. J'ai honte. Est-ce que c'était la mienne? Sais-tu quoi? À même penser, je pense que oui. C'est le truc le plus facile pour tuer les momies. Hein. Ben, j'ai jamais pensé à faire ça. Moi, je vais toujours dans un coin. Puis j'attaquais les momies avec l'eau bénite. Ouais, je pense que oui. Ouais, mais parce tu peux que faire ça à partir de la plateforme. Ils sautaient aussi. Pas des momies, il me semble. Fait que, non, ils sont déjà lancés. Qui plus est, les momies sont assez susceptibles aux multi-hits des Dobenet. Enfin, moi, je ne suis pas cassé la tête. Moi, je me suis dit, bon, t'as un poulet. Moi, prendre un poulet pour me refouler pour pouvoir battre les momies. J'ai plus pensé. J'ai plus pensé à, entre guillemets, à moi que penser stratégie. Fait que j'ai appris quelque chose. Hey, t'as-tu une tactique pour Frankenstein? Parce que moi, j'ai jamais eu de tactique pour Frankenstein. Frankenstein, une des tactiques que moi j'ai vues, c'est avec la hache. C'est assez facile avec la hache quand de paralyser Igor. Puis si t'as un bon sens de timing, tu peux également faire du dégât assez majeur. Sauf Frankenstein en même temps. Parce que le vrai problème de Frankenstein, c'est fucking Igor. Oui. Mais si quand tu le touches avec la hache, il bouge pas. Il arrête dans les airs, puis tant que tu lui tires des haches, il bouge pas. C'est ça. Je pense que t'as comme un délai de 2 ou 3 secondes, me semble, qui reste comme gelé dans un sens, là. Non, c'est ça. Fait qu'il faut que tu profites... Il trouve une attaque anyway pour battre Frankenstein. C'est pas sans dire que Frankenstein, il est pas difficile. Pareil. Parce que Frankenstein, c'est comme le monstre. Il y a rien qui l'arrête. Non, effectivement. C'est un tank. Ouais. Et là, j'ai un message texte qui va apparaître, je pense. Oui, un message texte. Non, continue. En tout cas. D'accord, si vous attendez un buzz... c'est normal. Donc, c'est ma faute. Puis la mort, je le fais avec le boomerang avec le triple. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux interrompre le podcast pour 30 secondes, s'il vous plaît, messieurs? Oui. Je suis l'heureux gagnant du jeu Final Fantasy VI Advance pour 16$. Sur eBay. Félicitations. Merci beaucoup. Congratulations. Désolé. Y a pas de problème, pas de problème. Fait que sinon, la mort, c'est ça, moi tout, j'utilisais surtout les boomerangs. Ça fait, c'est une croix, là, techniquement. Oui, mais... Encore une fois, c'est les références religieuses, les Américains, ils aiment pas bien ça. Ils ont couvert toute la nudité qu'il y avait dans le 1, puis toute la quête, là. Ouais. Mettons qu'ils sont pas très... ils sont très, très frileux, les Américains. Ouais. Puis sinon, Dracula, la méthode pour le tuer, c'était... L'eau bénite. L'eau bénite. Pour la deuxième forme, là. Ouais. La première forme, tu fais juste fouette. Et voilà. Effectivement. Un bon coup de fouet dans la gueule et on n'en parle plus. Ouais. Toi, tu pitches ton eau bénite à profusion puis il bouge même plus. Fait que... Embarquons directement dans le deuxième Castlevania. Qui est très différent. Très différent. On parle de Castlevania 2. Simon's Quest for the Nintendo Entertainment System. Alors, l'histoire qui se passe, c'est que Simon Belmont, il a une malédiction qui doit aller détruire les fragments de Dracula et finalement pour éviter de mourir de cette malédiction-là. Le jeu est très très différent parce qu'on part pas en side-scroller comme dans le premier, mais c'est vraiment un RPG slash action RPG là. Oui. Ouais. Mais moi, pour ma part, je l'ai trouvé médiocre. Parce que, un, il n'y a pas vraiment de boss. Puis les boss qu'il y a, tu peux passer en dessous, puis t'en fous de carrément. Ouais. Aussi, c'est les recherches de les Ils sont pas très clairs. Ça te prenait quasiment un Nintendo Power pour savoir exactement aller chercher les affaires. Oui. Ce qui arrive aussi, c'est que c'était. On s'entend pour dire que c'était excessivement mal traduit. Mm-hmm. Oui, ça aussi. Probablement. De traduction. Également, je dirais aussi, vu que la Nintendo, les mots, mais je disais, les conversations, on avait juste une petite boîte. Et ça pouvait poser problème parce que souvent, ils raccourcissaient les mots à leur plus sens, à leur plus. La méthode. Basic. Fait que des fois, on aurait pu manquer beaucoup d'informations là-dessus. C'est ce que j'ai trouvé plate. Mais une chose qui est encore plus plate, c'est la. Calice de transition entre le jour et la nuit. What a horrible night to have. Oh my god. Ah, c'est-tu énervant, ça? Effectivement. Ben, oublie pas non plus que c'est un jeu qui était fait quoi, en 88? Je vois ici en 87 au Japon, 88 en Amérique du Nord. Ben, c'est ça, 88. Donc 88, c'était encore pas mal. Le jeu en effet est encore pas mal sous expérimentation. Il n'y avait pas encore concrètement créé des engins comme on a aujourd'hui. Mm-hmm. Ou même quand on avait des années plus 95-2000. Ouais. Alors, c'est pour ça que moi, personnellement, Simon's Quest, je suis un peu indulgent. C'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu que j'y montre de la clémence parce que je me dis, bon. Si c'était un jeu qui, comme vous me disiez, qui était fait en 2000, j'aurais dit non. Mais c'est un jeu qui était fait en 88. Ouais, c'est sûr que c'est expérimental, là, mais l'engin du 1 était déjà parfait. Pourquoi avoir changé ça? Pourquoi avoir changé ça? Effectivement. Ça, c'est une très bonne question. Puis c'est sûrement pour faire différent. Pour essayer de voir ce qui s'en allait avec la franchise. Ouais. Mais en même temps, ils l'ont vu en chien avec Castlevania 3. Ah, ben oui! Et ça, c'est là. Parlons-en de Castlevania. Le meilleur Castlevania. Hey, ça, c'est le jeu, mon ami. Oh boy! Moi, j'ai le même coche que Castlevania 4. Je veux un remake de Castlevania 3. Je le dis, je le répète, je veux un remake de Castlevania 3. Ouais, mais en même temps, c'est dur de demander un remake d'un jeu qui est déjà parfait. Je sais! Alors, Castlevania 3, Dracula Curse, est sorti en 1989, encore fait par Konami. Et c'est un prequel du premier. Et oui. Et ça, Trevor Belmont. Trevor Belmont, qui. Ça, le jeu se passe en 1476. En fait, je pense que Trevor est le grand-père de Simon. Oui. C'est pas le great-grandfather? Le grandfather ou l'arrière-grand-père? Moi, ouais, je pense que c'est l'arrière. Ou le grand-père, man. Continuons, on va finir par. En tout cas, il est dans la famille de Simon. Ouais. Ah, c'est clair. Alors, on retrouve le gameplay classique du premier Castlevania, mais on rajoute des petits éléments très très intéressants dans ce jeu-là. Des nouveaux personnages qu'on peut contrôler. En plus de Trevor Belmont, on va les nommer Alucard. Grand Dynasty. Qui est un pirate. Oui. Et Sylpha Benadez. Et Alucard. Une sorte de magicienne, là. Qu'on sait pas que c'est une fille avant la fin. Ouais. Ben, quoi que. Mais d'après ce que j'ai compris, dans la version originale en japonais, on sait que c'est une fille dès le départ. Ah, ok. Dans la version originale, on sait que c'est une fille dès le départ, oui. Fait que, aussi, également, on a l'opportunité dans ce jeu-là de choisir son parcours. Oui. Qui était quand même nouveau à l'époque. C'est plutôt rare de trouver des jeux de plateforme. Du parcours. C'était le fun, sauf une chose qui m'a fait vraiment chier, c'est quand tu prends le parcours de la Clock Tower, là, parce que Grand Dynasty, faut t'en redescendre. Oui. Faut t'en refaire le level à l'envers. Ouais, mais c'est le challenge de ça, là, aussi. Oh, oui, mais la première fois, t'es là. What the fuck? c'est clair. Surtout que le Clock Tower est supposé s'effondre. Mais t'as tout le temps du monde pour arriver jusqu'en bas. Mm-hmm. Bon, t'as un timer, là, mais le timer, il t'offre quand même 700 ou 800 minutes avant de descendre en bas. Fait que autant mieux dire que t'as tout le temps du monde à ce moment-là. Là. Ouais. Puis, ce qui est fun avec les personnages, c'est qu'ils ont tous des habiletés différentes. Oui. Il peut grimper les murs. Alucard peut se transformer en bat pour voler d'un endroit à un autre. Sylvain fait de la magie. Il fait de la magie qui peut geler, brûler, etc. L'eau. Mm-hmm. Oui. C'était vraiment. Le gameplay était totalement différent avec les personnages additionnels. Je trouve que ça permettait surtout d'essayer d'esquiver des places où tu avais de la misère avec Trevor. Ça, c'était vraiment ce que j'aimais le plus. Là. Oui. Sinon, c'était qui votre préféré dans les compagnons de Trevor? Alucard, moi. Moi, c'était Sylpha. J'ai de la misère à vraiment bien cerner un personnage préféré. Quoique Grand Dynasty, c'est sûr que c'est pas lui. Fait que, dans le fond, je suis entre vous deux, mais si je suis entre choisir mon choix entre Sylpha, que je trouve qui est un beau personnage, puis Alucard, qui a toutes les raisons d'être un personnage iconique à la série Castlevania. Ouais. Fait que, mettons que. On est pas mal divisé là-dessus, mais parlons aussi des tableaux. Est-ce que vous trouvez que les tableaux étaient plus difficiles? Plus difficile, c'était tellement plus de fun également. Ouais. Puis, moi, je pense que c'était moins chiant la difficulté là-dedans que dans le premier. Mm-hmm. Oui. Même s'il y avait des endroits qui étaient extrêmement difficiles. Je pense que le jeu, il était plus intéressant de ce côté-là parce que les levels, il était mieux designé. Oui, ouais, c'est ça. Effectivement. Ils savaient plus dans quoi ils s'en allaient, alors ils ont décidé de prendre leur connaissance puis de nous donner et de partager au monde Castlevania 3. Mais oui, et pour un des meilleurs Castlevania ever. Oh oui. Mm-hmm. Sinon, quand même un remake avec la technologie d'aujourd'hui. je repose ma question de mon top 5 des remakes à faire. Qui d'entre vous trois, est-ce que tous les deux, et même les accros qui nous écoutent à la maison, qui n'aurait pas voulu jouer les quatre personnages en même temps? Moi, je m'excuse, mais moi, au départ, je pensais que c'était possible d'admettons, ok, je suis pas une Grand Dynasty, cool, je m'en vais battre le Cyclops, ah, cool, je peux pogner Sylpha. Fait que non, ok, on va être trois, nice. Ben non, Grand Dynasty sac son camp. Ouais, ça c'était un petit peu décevant la première fois, là, mais ça rajoute un élément stratégique. Oui, c'est un fait. Parce que là, tu te dis, ben là, je prendrai pas six fois parce que j'aime bien mon grimper ses murs, puis je vais pogner les levels où je peux grimper ses murs le plus. Non, c'est sûr. Puis la même chose pour Alucard, tu te dis, ça va dépendre comment toi tu performes genre dans le jeu en général avec. Ouais. Puis il y en a qui vont être meilleurs avec Grant ou Sylpha ou ben Alucard, justement, dépendamment de leurs habilités. Puis c'est ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'une fois que tu connais le jeu, ben là, tu peux plus être en mesure, ben moi je sais que j'ai ma force, c'est avec ce personnage-là, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, ben si tu veux continuer ta game avec un autre personnage, ça te permet quand même d'avoir une expérience de gameplay très différente. Ben oui. Bon, cas, j'imagine. On va aller directement après la suite de Castlevania 3. Ouais, t'as peu. Oui. Il y a eu Castlevania Adventure avant. Ah, ouais, ça, j'ai. Pour la Game Boy. Pour la Game Boy. Ça, Game j'ai Boy. Pas joué par exemple. Je t'avoue, j'ai. Qui est le pire jeu de Castlevania ever. Ah, j'ai jamais joué. Faut que tu me l'expliques. C'est. C'est mauvais. Ah, c'est hyper mauvais. C'est slow. Déjà en partant, ça va pas vite. D'ailleurs, j'ai fait un vidéo remake du premier level avec des graphiques à 16 bits. Il faudrait que je le remette sur YouTube. C'est slow, puis en plus, il n'y a pas les sub-weapons. Oh my God. Puis, ils ont changé. Ben là, à partir de là, ils avaient changé les escaliers pour des cordes. Des cordes pour monter, ouais. Et ça, c'est pas si pire, mais le fait qu'il y ait déjà enlevé les sub-weapons, que le personnage est full slow, puis que c'est hyper méga difficile comme c'est jeu. C'est stiff. C'est pire que la difficulté dans le premier jeu, là. Et d'aplomb, là. Et plus que ça, même. C'est vraiment là, beaucoup, moins beaucoup, 100%. Là. Beaucoup. Mais, si vous voulez vous consoler, il y a la version Castlevania Adventure Rebirth disponible sur la Wii. Qui est un jeu totalement différent, puis pas pantoute un remake. Et le fun! Oui. Et le fun! Je pensais que Adventure Remake, c'était le remake du premier Castlevania. Ben c'est un reboot. Yeah. Okay. C'est un reboot total. Dans le fond, ils se sont rendus compte de leur marde qu'ils ont fait et ont dit qu'il faudrait qu'on s'excuse pour ça. OK. Surtout Iga. Ouais. Il faut dire qu'il n'avait pas rapport avec Castlevania Adventure, mais c'est lui qui a eu l'idée et c'est lui qui a produit Castlevania Adventure Rebirth sur la Wii. Alors, si la Castlevania Adventure sur la Game Boy vous donnez un seul coup au couille quand vous étiez plus jeune, eh bien, il y a la Wii qui est là pour vous effacer vos mauvaises mémoires de votre passé. Mais ils se sont repris avec le deuxième jeu de Game Boy, qui est lui ça. Qui était très bon. Ouais, sur... Belmont's Revenge. Belmont's Revenge. Avec, je me rappelle l'histoire, c'est... C'est Christopher Belmont dans le premier puis dans le deux. Sauf que dans le 2, il va sauver son fils. Il va sauver son fils qui était kidnappé par Dracula alors que le fils de Christopher devait devenir le nouveau chasseur de vampires des Belmont. C'est ça. Et voilà. Puis c'est comme tu choisis tes tableaux un peu à la Mega Man. Tu as quatre tableaux au début. OK. C'est quatre châteaux différents. Puis ça a produit, je pense, une soundtrack qui est une des meilleures sur Game Boy. Okay. Ah, mais la musique en général, la Castlevania, a botte des culs solides. Oh oui. Oh oui, mais pour une console Game Boy, ça torchait. Là. Les tunes qu'il y avait oui. dans Castlevania's Revenge, c'était quand même bon. Là. Oh oui. Mais parlons quand même du prochain qui est sur Super Nintendo, Castlevania 4. Là-dessus, moi, je dois dire que mon gros thumbs up, c'est surtout la musique dans ce jeu-là. On parlait de musique justement, oh oui. On parlait de musique, là, mais pour moi, Castlevania 4. à torche des culs pour ce qui est de la musique. Là. C'est un des rares jeux qui utilise plus un style nouvel âge, mais qui utilise bien un style nouvel âge. Ouais. Et c'est sur 16 bits. Mm-hmm. Mm. Puis la console Super Nintendo offrait une chip musicale des plus intéressantes, en plus. Ah, mais ça. Oui. Puis ça sonne très bien. Oui. T'aurais pas pu faire ça sur Sega Genesis. Là. Non. Non. Parce que ça sonnait vraiment orchestral. Là. Oui. Absolument. C'était une des forces de Super Nintendo, d'ailleurs. Je pense que c'est parce que Super Nintendo offrait 16 tracks, tandis que la Sega Genesis offre juste, je pense, c'est beau si on offrait 4. Moi, ouais, je pense que c'est ça. Faut vérifier les stats. Là, mais... Faudrait regarder les comparaisons techniques des consoles. Mais je vous dirais que Super Nintendo, les compositeurs de musique, il y avait du fun. Oh ouais. Oui. Puis Castlevania 4, qui s'appelle ouais. Super Castlevania 4, je pense que oui. À la base au Japon, c'est supposé être un remake du premier. Oui, oui, c'est ça. C'est ce qui est officiellement, c'est le remake du premier avec Simon Belmont qui va attaquer et qui s'en va chasser Dracula finalement encore une fois. Il est excellent graphiquement, mm-hmm. Au point de vue sonore aussi. Puis il a amené des éléments qu'ils n'ont jamais repris ailleurs. C'est vrai. Je comprends pas pourquoi. Moi non plus! Le fouet que tu peux bouger dans tous les sens puis t'accrocher. Ah, c'était fort! Comment ça se fait qu'ils n'ont pas réutilisé ça? Je sais pas, sérieusement. C'est à n'y rien comprendre. C'est sûr, je comprends pas. Voyons donc. Sont-tu peut-être rendu compte que ça donnait plus de facilité aux joueurs? Je sais pas. Mais non! En tout cas, je comprends pas parce que c'était un nouvel élément de gameplay rajouté à la série de Castlevania Sidecrawling. Puis, en tout cas, jusqu'à maintenant, ils ne l'ont pas réutilisé, mais selon les vidéos que j'ai vues du Select Sorto 3DS, ils réutilisent ça un peu. Puis, techniquement, ils ont réutilisé ça dans les jeux de PlayStation. Mm-hmm. PlayStation 2. Là. Mais ouais, c'est des jeux faits en 16 bits. Là. Okay, As-tu, okay. By the way, est-ce que toi, tu as Castlevania Chronicles? Oui. Moi, je l'avais avant, mais là, je ne l'ai plus. Puis, je vais le repogner pour la PS3. Est-ce que je me rappelle plus si ils ont pris le gameplay de Super Castlevania 4 pour non dans Rondo of Blood il n'y a aucunement les non pas Rondo of Blood Chronicles c'est pas Chronicles oui mais ça c'était un jeu sur le X68000 quelque chose du genre ouais l'affaire de même ouais il était refait dans puis ça a été fait avant Super Castlevania 4 ouais donc c'est sûr qu'il n'y a pas les contrôles de ça. Ah, okay. Mais je te dis, l'affaire du fouet pour se balancer et tout ça, ça n'a jamais été repris. Ça n'a jamais été repris. Non, pourquoi? Ça, je ne sais pas. Ça serait une question quasiment à demander aux producteurs. Là, si jamais il y a des personnes qui sont capables d'avoir des entrevues avec eux autres, là, ça serait une grosse question à demander. Sérieusement, mais par rapport aux tableaux, comment vous avez trouvé les tableaux dans celui-là? Si on pensait Castlevania 3... offrait un bon level design, on n'a rien vu avec Castlevania 4. Non, effectivement. Je trouve que les tableaux sont plus réussis, je trouve que le personnage est plus facile à contrôler. Également, les tableaux offrent des chances, finalement, d'utiliser tout le potentiel de ton personnage. Lorsqu'on parlait, par exemple, de pouvoir envoyer le fouet où on veut, lorsqu'il faut accrocher un une sorte de crochet en haut, tu peux le faire, puis tu peux te balancer avec ton fouet, ce qui est comme pas été fait depuis bien, bien longtemps. Mmh. Non. C'est quelque chose que je m'ennuie énormément. Puis ils n'ont même pas réutilisé ça pour leur jeu de Genesis non plus. Non plus. Mais par exemple, il y a quand même des petites choses dans la version de Genesis qu'on va parler un petit peu plus tard. Sinon, à part ça, les boss, comment vous les avez trouvés dans celui-là? Ouais, c'était génial. Il était gros, là, surtout, puis intense, là. Intense. C'était épique. Moi, c'est... Ah, oui. Ouais, c'était épique. Surtout l'avant-dernier tableau avant Dracula. Là, c'est vraiment là, un... Tu bois avec un Slogra puis l'autre. Là, t'as le Slogra puis... Slogra, ouais. T'as Gaibon. Puis là, ça devient silence. Ouais. Non, pas sinon. Donc, tu vas tuer la mort, parce que ça, c'est silence. Puis là, t'arrives dans le corridor, puis là, t'as les antennes qui s'allument l'une après l'autre avec la petite tonne qui commence. Hein, ça, c'est... Ouais. Ça, je fais... Hey, t'es tombé hot! Mais... C'était un très bon jeu. Sérieusement, si vous avez la chance de l'acheter en version Super Nintendo, allez-y fort. Sinon, il est toujours disponible sur la Wii. C'est un bon jeu, sérieusement. Un des meilleurs Castlevania qui est sorti. Pour moi, c'est un de mes meilleurs. Ah, oui. Dans mon top 3 assuré. Je pense pas que c'est la première, mais je dirais quand même que c'est dans mon top 3. Non, c'est sûr. Là, mais il est dans mon top 5, moi, en première place dans les jeux de Castlevania. Alors, après ça, on saute directement sur la Sega Genesis avec Castlevania Bloodline. Qui est également très bon. Oui, il est bon. Il est bon. Mais pas autant que Castlevania 4. Un petit peu moins que le 4. Est-ce que c'est vraiment la peine de faire une comparaison, en fait, dans cela, vu que c'est pas, il ça suit pas l'histoire des Belmont, ça prend une direction totalement différente, et d'autres Castlevania, là, ça met en vedette John Morris, qui est... Ils ont mélangé le livre de Bram Stoker là-dedans. Ouais. Là, oui. Ça ne fit pas en tout. Là. Mais le pire, c'est que dans ces jeux-là, le personnage de Eric Lacard, tu le revois plus tard dans la série DS. Dans Portrait of Ruin. Ouais. Fait que tu y a comme quand même une continuité dans son propre dans sa propre linéabilité, dans sa propre ligne du temps finalement. Mm-hmm. Mais ça précise avant qu'il inclut le card, parce que Portrait of Ruin, c'est, je pense, c'est 2006, c'est ça. Ouais. Puis Genesis Bloodline, c'est 94. Quand même quasiment 10 ans. Ça a pris 10 ans quasiment. Mais c'est quand même côté gameplay. Comment vous l'avez trouvé celui-là? Moi, je l'ai trouvé ordinaire. Le gameplay m'a plu. C'est sûr que c'est pas Castlevania 6, 4. Mais en même temps, il faut s'entendre pour dire que Super Castlevania 4 a le gameplay supérieur avant qu'on ait à quasiment. Pas Underblood, mais. Voyons, Symphony of the Night, mais ça, c'est carrément une autre patente. Ok. Donc, pour revenir à Bloodline, c'est parce que. Ce qui est en même temps dommage, c'est que Morris, avec son fouet, ben, il fait un peu pic-pic comparé à Lecard. Lecard, tu peux faire plus d'affaires que tu peux Morris. Sauter avec ta lance. C'est ça. T'as une habilité que lorsque tu pèses en bas, tu peux faire comme une sorte de jump plus rapide en haut. Ouais, tu sais. Qui peut également être une attaque. Oui. Mais de ce que j'ai aimé, par exemple, de cette version-là, c'est qu'il y a un tableau où est-ce que le niveau est divisé en comme 5 parties. Puis lorsque tu rentres dans une partie, ben, ton personnage est comme coupé de moitié. Okay. C'est spécial, ouais. C'est assez fucké. C'est un tableau... Le tableau est divisé en 3 parties. Ouais. Il est quasiment sur l'acide, là. Ouais, c'est un acid trap sérieux. Là. Faut que tu watches aussi que tu mets tes pieds. Là. Mais ça, c'était plutôt original. Je ne l'ai pas revu après dans les autres Castlevania, ce type-là d'acid trip. En même temps, il y a une raison à ça. Pourquoi? Tu pouvais soit aimer, tu pouvais soit haïr à mort. Parce que c'était quand même chiant de naviguer à travers ça, même si l'autre côté de la médaille, c'est ça offrait un bon challenge. Mm-hmm. Effectivement. Moi, c'est un de mes tableaux préférés, je vous le dirais. Dans mon cas, je trouve que le challenge était là. C'est fucké, oui, mais le gameplay est là. C'est vraiment le fun. Sinon, à part ça, on embarque avec Dracula X, c'est la version Nintendo de Rondo of Blood. Rondo of Blood. Plus watered down, surtout. Mm-hmm. Oui, mais en même temps, la musique était. Au même niveau que les versions CD de Rondo of Blood. Oui. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très impressionnant. Très. Surtout pour la Super Nintendo qui offre ce coup-là. Parce que t'es mis côte à côte et tu vois pas la différence. Mm-hmm. Sinon, à part ça, l'histoire, moi, m'a beaucoup moins intéressé. Bon, dans Rondo of Blood et puis Dracula X, c'est pas mal la même histoire, c'est juste qu'elle est interprétée différemment. Ça. Ouais. Puis, le problème avec Dracula X, c'est que tu peux pas jouer avec Mario aussi. Ouais. Ça, c'est un vrai, c'est vrai. C'est pas les mêmes tableaux. Les graphiques sont mieux, visuellement. Oui. Mais on perd beaucoup des améliorations de du 4, ouais. Finalement. Oui, souvent plus. Puis Rondo of Blood est de loin supérieur au point de vue du level design. Oh oui, ça, par exemple, ça, je te l'ai. Comparativement à Dracula X. Oui. Est-ce que vous, en tant que gamer, comment vous l'avez aimé celui-là? C'est un bon Dracula? Moi, il est au même niveau que Bloodlines. C'est correct. Il est correct, tu sais. Mm-hmm. Sachant que... Moi, je me rappelle de l'avoir loué, puis... parce que, bon... Je suis un fan de Fini de Castlevania for Life. Moi, au départ, c'est la... qui m'ont un petit peu dérangé, c'était d'abord sa difficulté. Parce que Dracula X est quand, sur SNES est quand même un jeu difficile. Oh, pas tant. Pas si pire. Je te dirais qu'il est quand même... C'est réussir à... C'est surtout d'avoir la vraie fin, je te dirais, qui est plus compliqué. C'est là le challenge du jeu, parce que t'as comme trois fins différentes. Oui. Faut que tu récupères les trois filles pour avoir la vraie fin. Oui. Tandis que si tu le fais pas, t'as la mauvaise fin, finalement. Oui. Mais sérieusement, moi j'ai plus joué à la version PSP. De, ah ben oui. Chronicle. Puis je te dirais que le gameplay était mieux fait sur la version PSP que la version Rondo of Blood. Si vous voulez vraiment... La version PSP, c'est la même chose que Rondo of Blood. Ouais, mais je veux dire par rapport au graphique, excuse-moi. Tu parles de Dracula X? Ouais, ou Dracula X. Il faut pas que tu mélanges, parce que... Non, je sais, je me suis mélangé. Rondo of Blood, c'est Chronicles. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça, c'est... Rondo of Blood, sérieusement, la version PSP, c'est une très bonne version. J'ai joué aux deux versions. J'ai joué à la version... Moi aussi. La old, celle que tu es capable de débarrer. Ouais. J'ai une petite appréciation de plus pour la version remake de PSP. Non, ouais, moi, je trouve que la version remake qu'ils ont faite en 3D de Rondo of Blood, c'est plus facile, trop facile même, que Rondo of Blood. Ben ça, je t'avoue, je ne l'ai pas fait au complet, par exemple. Quand t'as Mario, oui, pas tant. Ah ouais. Moi, j'ai tellement trouvé ça facile, j'ai passé à travers le jeu la première fois. Là. OK. Puis Rondo of Blood, j'ai jamais été capable de passer la première fois dedans, là, l'original. OK, ça, je l'ai. Ouais, mais t'as joué quoi à Rondo of Blood la première fois? Moi, j'ai le jeu original sur le PC Engine. Et voilà, qui est je savais même pas que t'avais une PC Engine. Non, j'ai pas une PC Engine, mais j'ai le jeu original. Je joue avec l'émulateur pour jouer avec le jeu original que j'ai sur CD. Ah, OK. Vrai, là. Pas une copie, là. Oh. Le vrai. Oh. Le vrai. Oui, la vraie. Parce que PC Engine, c'est exclusif au Japon. Oui, c'est ça. Mais tu peux jouer au jeu de PC Engine pareil avec un émulateur. Oui. C'est assez ironique parce que le PC Engine, c'est la Turbo, c'est ce que nous, on appelle la Turbo Graphic 16. Est-ce que j'ai jamais sorti en version CD ici? Non, on a juste la version cassette. C'est veut dire, fait, en tout cas. Puis moi, j'ai trouvé Rondo of Blood beaucoup difficile. Ah, ça l'est! Mais quand j'ai fait Chronicles au PSP, j'ai dit, ben là, c'est bien trop facile. Je suis pas mort une fois, là. J'ai passé à travers le jeu. Fait que... Ah, je sais pas. Moi, il débute que le remake, j'ai trouvé cheap. Non, ouais. Ben, je dis pas que j'ai pas eu de la misère, mais je veux dire, je suis pas mort. Là. J'ai passé à travers. OK. Puis j'ai été très déçu là-dessus parce que je trouvais que c'était trop facile. Excusez-moi. Je me suis accroché dans mon micro. Fait que non, ben, pour en conclure, c'est un jeu qui est très très mitigé. C'est pas tout le monde qui va l'apprécier. Comparé ça reste que c'est un point marquant de la série Castlevania. Oui, effectivement. Je ne pourrais pas dire majeur. Oui, marquant parce que, un, le Rondo of Blood n'a pas été disponible en Amérique. Pour nous autres, ça a été marquant. Ouais. Puis après ça, on embarque directement à la version Symphony of the Night sur PlayStation. Qui lui risque de faire l'unanimité. Ça dépend des gens. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Mais moi, je l'adore. Autant que les Castlevania traditionnels. Moi, tu vois, c'est un de mes préférés. Je pense que c'est mon premier. Moi, c'est il est peut-être dans mon top 5, c'est sûr. Ouais. Mais. Comparativement au style original de jouer à Castlevania, j'aime mieux le style original. Mm-hmm. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Fidel? Je voudrais de là-dessus, c'est assez facile à plaire. Que ce soit en side-scrolling ou en Metroidvania, Castlevania, pour moi, c'est relativement un incontournable du meilleur d'une autre. Mais ça veut pas sans dire que Symphony of the Night, je passais des nuits à y jouer. Oh oui, moi aussi. Moi tout. Je passais des nuits blanches à ce jeu-là tellement que ce jeu-là, il me pognait par l'âme. Puis, ah ouais, joue. Oui, maître. C'était à ce point-là, c'est pas des fans. Je vous avoue que j'en faisais une obsession de ce jeu-là. C'est pour ça que j'ai chez moi la version originale japonaise au PlayStation. La version. As-tu la version Saturn? Oui, ça a l'air que la version Saturn. Je voulais tellement l'avoir parce que. Tu peux jouer avec Mario et tout, là. Dès le départ. Ah ouais. Oui. Tu peux jouer avec Mario de départ, avec Richter de départ. T'as même deux niveaux de plus. Oui. Sega Saturn. C'est dommage. Mm. C'est très, très dommage qu'on n'y ait pas. Pour la question suivante. Pourquoi qu'ils l'ont pas dans Castlevania Chronicles? Aucune espèce d'idée. J'aurais pu le mettre. Peut-être parce qu'il y avait une version. Vu qu'il y avait la seule version qui avait disponible sur PlayStation, c'était la version PlayStation. Je sais pas. Je te sors ça de même. C'est pas ouais, fou, mais ça. Après tant de temps, il aurait pu rajouter ça dans la version PlayStation. Mm-hmm. Ouais, c'est... Mais c'est pas les mêmes conversions de codage. Saturn puis PlayStation. De base, oui, parce que c'est plus plus. Ouais, mais d'après ce que je sais, c'est que sur le disque du PlayStation, ces niveaux-là, ils sont là. Sont juste pas accessibles. Ils sont juste pas accessibles. Ah, ça, c'est cheap, hein. C'est très cheap. Je trouve ça plate. Sinon, ben, parce que au fond, ces niveaux-là, c'est des ramassis non finis des niveaux en tant que tels. OK. C'est pour ça qu'ils ont dit non accessible, parce que c'est un potentiel de gelage puis de bug. Ouais. Qu'avez-vous pensé de la musique du jeu? Michiru Yaname est une compositrice géniale. Sérieusement, moi, j'ai une chanson que j'adore encore dans mon MP3, je la mets tout le temps. C'est la chanson « Après que t'aies perdu ton équipement ». C'est comme plus rythmée, là. Elle, je l'adore. Je la mets souvent dans les podcasts, en plus, quand on en met, des fois, en musique de background, là. Oui, des fois, je la mets. Pourtant, j'écoute des podcasts, puis... C'est parce que t'avais pas assez forte, OK. Ah, ça se peut, je l'ai pas mis assez fort. Je vais essayer d'aller vous la chercher rapidement. vilain. C'est une bonne toune, en plus. Mais il y a une bonne soundtrack... Symphonie Noël, il y a une bonne soundtrack. Très, très bonne. Bon. Graphique, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, c'est du 16 bits, puis c'est cool. 16 bits/32 bits, parce que il y a des éléments de 16 bits qu'il n'y aurait pas pu faire sur la semaine. Ben, les effets spéciaux, mm-hmm. Ouais. Dans le fond. Parce que les os graphiques, ils sont très faisables sur un Super Nintendo. Oui. Parce que faut pas que tu oublies que la plupart des graphiques ont été récupérés de Castlevania 4 et de Rondo of Blood. Une bonne gain, en tout cas. Oui. Effectivement. Comme justement, Slogan et Guy Bond, ben c'est de Castlevania 4. Ça. Mais tous les petits ennemis, comme les squelettes, les méduses, tout ce qui est petit, les soldats, puis tout ça, ça a tout été récupéré de Rondo of Blood. C'est même. Ouais. Les mêmes comportements, les mêmes si, ouais, c'est ça. C'est... Oui, je dis pas le contraire. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire rapidement? C'est tellement un jeu mythique. Je pense que c'est un... C'est un bon jeu. C'est un des premiers qui est le plus orienté vers l'histoire. Oui. Oui, c'est vrai. Ça, il faut lui donner ça. Mis à part Rondo of Blood, oui, je te dirais que c'est un de ceux à connaître, finalement. Parce que Rondo of Blood, il y avait les parties animes dedans. Oui. Sinon, à part ça, sérieusement, jouez-le. Si vous l'avez pas encore commencé dans la série Castlevania, je pense que c'est un must à essayer pour au moins connaître c'est quoi le style Metroidvania, finalement, qui va être très très populaire après sur console portable. Mm-hmm. Écoutez, je pense que vous avez plus ou moins d'excuses, parce que je pense que le jeu est disponible gratuitement en PlayStation Plus. Ça, je suis pas au courant. Hein? C'est quoi ça, PlayStation Plus? Ça, c'est comme la plateforme payante de PlayStation. Tu payes comme temps par mois pour pouvoir... Ah, oh, pour le PlayStation Network? Ouais. Mais pour 60$, t'as un an. Fait que dans le fond, c'est l'équivalent de Xbox Gold Live. Ouais. OK. C'est juste que Sony, ils sont tellement donnants. Je veux pas appeler le terme généreux, mais ils donnent tellement d'affaires avec quand ça va au PlayStation Plus, là. Sérieusement, ben moi, ça serait quelque chose que je vais regarder prochainement, peut-être pour me prendre, parce que... Moi aussi, en fait. Whatever. Chaque mois, ils donnent t'as des rabais sur des jeux. Ouais. T'as du contenu exclusif. Alors, ils donnent énormément d'affaires. C'est vraiment cool. Sinon, après ça, on va aller dans les très mauvais Castlevania 64. T'en as passé un avant. Lequel? Castlevania Legends, sur Game Boy. Ah, ok, moi je t'avoue, j'ai ça. Totalement. J'y pensais, mais j'étais plus sûr. Je vais vous laisser y aller parce que les Legends, j'ai pas joué non plus. Moi, okay. J'ai commencé à Circle of the Moon. Le problème avec SM Legends, c'est que c'est un très bon jeu. Oui. Par contre, l'histoire est à chier. L'histoire est juste, dans le fond, mal racontée parce que tu vois que. Tu vois que l'histoire aurait pu faire partie de très facilement du mythe de Castlevania. Cependant, celle-là qui a été racontée, c'est trop. Est-ce que c'est juste de dire que c'est trop garoché? Oui, c'est pas mal garoché nulle part. Ouais, hein? Par exemple, c'est dommage parce que Sonia Belmont aurait été un bon personnage féminin pour la série Castlevania. Parlant de Sonia, est-ce que tu savais qu'il était sorti en Castlevania au Dreamcast, mettant en vedette Sonia? Oui, puis ça a été cancellé. Castlevania puis... Resurrection? Ouais. What a bitch! C'est vraiment chien. C'est chien parce que j'ai... Est-ce que vous avez vu les photos de Castlevania Resurrection pour la Dreamcast? Non. Ça criait potentiel. Ouais. Ça criait potentiel d'excellence. Mais... C'est une firme américaine qui le faisait, puis au Japon, ils n'étaient pas contents de ce qu'ils avaient fait, puis c'est eux autres qui ont décidé de canceller ça. Non, moi j'ai compris que c'était. Même Iga était. Mais ça parlait de loin. Je pense qu'il n'était pas impliqué dans ce temps-là, Iga. Iga a commencé en tant qu'être scénariste pour Castlevania Symphony of the Night. Ouais, c'est ça. Mais. Ouais. Resurrection était supposé de sortir à peu près dans les mêmes temps ou peu après que pas peu après voyons Symphony of the Night. Chronologiquement en termes de sortie, il sortait après Symphony of the Night, mais il faut aussi dire que Iga n'aime pas Sonia Belmont. Non, il l'a même enlevé de sa ligne de temps. Ouais. Mais il faut on rentre dans un autre débat. C'est que la ligne de temps de Castlevania, rendue là, elle commençait déjà à être pas mal, à être trop comblée. Ouais. Oui. Puis avec toutes les autres Castlevania qui ont sorti après Symphony of the Night, c'est devenu un bordel monumental. Mm-hmm. Mettons que. Une ligne de temps officielle, je sais que Game Trailer l'ont faite, puis ils ont eu énormément de misère. Mais oui, parce qu'il y a des affaires qui marchent pas en tout, là. Mais je trouve ça dommage qu'on ait perdu le personnage de Sonia Belmont parce que. Bref. T'sais, ça aurait pu faire quelque chose de bon. Malheureusement, ils ont décidé qu'elle s'accouplait avec Alucard, puis Trevor, finalement, c'était le fils d'Alucard puis de Sonia. Ça marchait pas pantoute. Ça marche pas pantoute. Guillemets aurait expliqué pourquoi l'événement aurait une grande force. Mais le problème, c'est que Sonia avait déjà une force surhumaine, ce qui fait que les gens de Wallachia, donc d'autres termes, où se situe le setting de Castlevania, avaient peur du clan Belmont. C'est à cause de cette force surhumaine inexplicable et inhabituelle. Fait que là, justement, à la fin de Castlevania Legends, la force surhumaine vient de après Sonia et vient du fait qu'elle s'est accouplée avec Alucard. Ce qui voudrait dire donc que les Belmont seraient des fucking damn fire. Ça marche pas en tout. Does not compute. Ça... C'est quoi que What's next? Surtout qu'après, qu'on voit plus tard dans les autres jeux, il y a d'autres histoires qui parlent de l'avant Belmont, quasiment, là. Ouais, avec Lament of Innocence, ouais. Je pense. Fait que, c'est comme, en tout cas, ça mélange énormément, là. Là, on va pouvoir parler des Castlevania 64, des mauvais. On va parler rapidement. Je pense que ces deux jeux-là ne méritent pas d'être souvenus sous peine de grandes douleurs. On leur accorde juste trop d'importance. Trop d'importance, mais pas nécessairement totalement mauvais. OK, commençons avec le premier. On joue les personnages excusez-moi, on joue Spider pas des... Belmont, puis non, Mastic c'est pas un Belmont, c'est pas un Belmont. Non, c'est Reinhardt quelque chose. Originalement, ça a été un. Ouais, c'était prévu pour un état, mais finalement, ils ont laissé faire. Alors, on joue les personnages de Reinhardt Schneider et Carrie Fernandez. Qui est une descendante de Silpha. Oui. Ouais. Et c'est le premier Castlevania fait en trois dimensions pour ce jeu-là. Ouais. Première chose qu'on remarque, pas de musique. Il y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose côté musique, c'est vraiment vide. Jouabilité du jeu, très difficile. Je pense que ça à cause de la caméra. Très mal fait. La caméra, puis les manettes. La caméra qui fait chier. Oh, oui. Bol. Un cauchemar. Un cauchemar. Oui, c'est un cauchemar. Moi, je me rappelle juste, il y a un tableau où est-ce qu'il y a un pont. Il faut traverser. Puis, si tu tombes dans l'eau, tu meurs. Si tu as rushé à cause de la caméra, parce que tu avais de la misère à calculer ton saut. Ouais, puis des fois, ça partait dans une autre direction totalement. Ouais. Puis... oui, c'est ça le vrai problème. Le platforming dans 1984, là, oh my god, c'est ça. Bon, regarde, si plus j'y pense, plus j'ai l'impression d'avoir une ulcère qui grandit dans mon cerveau. Mm-hmm. Là. Puis, ouais. Ouais. Puis les espèces de Jason dans le garden. Là. Ouais. Moi, je me rappelle des squelettes en moto. Ouais, les squelettes en moto, ça, j'allais m'en faire. C'est mais drôle ça, en même temps. Ça, il y en avait aussi dans Bloodlines. Ah, ok, ouais, j'avoue. Mais quand même. Ouais, mais, c'était en Allemagne. C'était en Allemagne. Oh, ouais, mais là, c'était quoi plus, ça? C'était plus, c'était dans cette année, anyway, Bloodlines. Même dans Bloodlines, c'était même pas dans le temps, là. Ouais. Non? Ben, c'est pas dans le temps. C'était pas vraiment dans l'année officielle de... Oui, dans l'année officielle des gars. Non, je veux dire, dans l'historique planétaire, les motos, ah, dans effectivement, le temps de Bloodline, ça n'existait pas. Non, 1800, non, ça aurait pas vu, là. Non, c'est ça. Fait que c'était okay. Très... écoutez, pour moi, c'est un... Pas que tout est mauvais, il y avait quand même des belles idées. Les combats étaient quand même pas si pires. Sub-weapon, il n'y en avait pas. Oui, il y en avait. Il y en avait. Ah mais... oui, c'est vrai, il y avait de l'Aubénette, je pense. Oui, l'Aubénette. C'était un chiard des utilisés. Ouais, on le disait. Vous autres, vous jouez plus Reinhardt ou jouez... Moi, je jouais Carrie. À Carrie, c'était plus facile. C'était plus facile. À cause de son range. Elle avait des Magic Missiles qui allaient bien mieux que la fouette, là. Mais l'autre, après, Legacy of Darkness, c'est la même affaire techniquement. Je sauf pense que c'est... Oui. Ça se passe avant Casino 4 un petit peu. Ok. Puis moi, je voyais un loup-garou sa pochette, sais-tu. Je pense que c'est. Ouais, ben c'est le personnage que tu joues, là. Ça, c'est un loup-garou que tu joues. Moi, j'ai jamais. Ça, c'est comme entre guillemets la version pseudo-remake du 64 qui s'appelle Legacy of Darkness. Ouais, qui était supposé être la version qu'on aurait été supposé d'avoir avant l'autre. C'est genre fuck you. Tu donnes deux versions, puis tu me fais croire que. Tu vas nous faire croire que dans la version auquel on a joué est incomplète. Merci de nous faire chier, Nintendo. Merci de nous faire chier. Mais c'est Konami, c'est pas Nintendo. Hein. Ouais. C'est pour ça que je me suis surpris. Mais Astor, ils font tout le temps ça, des affaires de même. Hein? Tout le monde fait ça. Astor, ouais, Astor, oui. Mais en même temps, t'es. C'est... En tout cas. après ça, je pense qu'on s'en va à Circle of the Moon. Hein? La même Non, t'en as un autre avant sur le game. Ah oui, c'est Circle of the Moon. Circle of the Moon, me semble. Qui était. T'en as juste eu trois sur Game Boy, l'original. Adventure, Adventure 2, puis Legends. Ouais. Ouais, je parle. D'avoir un Legends 2, mais l'autre. Si on suit la chronologie, je pense qu'on est rendu à Castlevania sur Circle of the Moon. Ouais, Circle of the Moon, ouais. Alors, celui-là, ça se passe dans la chronologie. Je pense qu'il n'est pas officiel. Non, je pense qu'il l'a même pas considéré. Ah non, il l'a... Parce que en vedette, Nathan Grave, qui, dans le fond, c'est plus un Belmont, puis ses compagnons, c'est des maîtres d'arts martiaux, des ninjas. Mm-hmm. De ce que je lis en ce moment, c'est que c'est la suite chronologique entre Symphony of the Night et les événements du roman de Bram Stoker, mais que son histoire a été invalidée en 2003 par Konami. À cause de... Ouais, malheureusement avec raison. À cause de Harmony of Dissonance. Ouais. Alors, c'est ça, c'est on joue le personnage de Nathan Grave, qui se retrouve à Castlevania avec Maurice Baldwin. Puis Maximilien, je pense, Melanin Jones. Hughes. Que je lis ici, là. Oui, c'est Hughes Grant, c'est ça. Ouais. Puis, c'est ça, ils s'en vont attaquer le château. Puis, finalement, on se ramasse tout seul, séparés de nos compagnons, et on doit essayer de les retrouver. Oui, suite, il faut que je le dise, suite d'une attaque à la chausserie à la bombe. Ouais. Très mauvais jeu. Personnellement, c'est un jeu que j'adore y jouer. Elle a quand même des bonnes idées de gameplay, surtout au niveau de la magie. Ouais. Combiner des cartes pour des pouvoirs spéciaux. Moi, je trouvais ça compliqué pour rien. C'était compliqué pour rien, c'est sûr. Mais En même temps, ça faisait son changement. Je veux dire, après tout, on peut pas nier que l'idée était là. Mm-hmm. On peut pas non plus nier le fait que des fois, ce jeu-là avait des ennemis réguliers trop difficiles pour leur propre bien. Mm-hmm. Sinon, à part ça, jouabilité, c'était quand même pas si pire. On reprenait le style Metroidvania qu'on avait dans les... Le contrôle était poche. Le contrôle était très poche, par exemple. J'avais beaucoup de misère. Un petit peu stiff, mais tu sais, c'est comme un Metroid. Lui, c'est peut-être plus Metroid que les autres. Ouais. Dans Metroid, c'est que tu peux unlocker des habiletés spéciales qui te permettent, mettons, sauter plus haut, sauter ses murs. Tandis que les autres l'avaient plus naturellement. Ouais, mais l'animation n'était pas fluide avec les contrôles. Non, du tout. Ça, c'est sûr. T'as l'impression qu'il manquait des frames d'animation. Mm-hmm. Parce que moi, c'est l'impression que j'ai eu. Je trouvais que le jeu était peut-être sorti trop rapidement, je sais pas. Je pense que quelques mois de travail supplémentaire auraient peut-être été beaucoup mieux pour ce qui est du gameplay. Là. Ce qui n'était pas peaufiné pendant tout à mon avis. Non. Sinon, c'est quand même un gros jeu pour ce que c'était. Oui, c'est quand même un bon jeu. Ouais. C'est pas le meilleur, c'est mais c'est un gros jeu. C'est ça. Si tu compares à Castlevania Adventure sur Game Boy, oui. Ouais. Bon, je vous avoue, Circle of the Moon, c'est un de mes guilty pleasures sans non plus que j'en fais une obsession. Ok. Personnellement. Reste que c'est un jeu que c'est sûr que je joue au moins une fois par année. Ok. Après ça, on va s'en aller avec. Là, je suis en train de fier. Ah, ok, c'est Harmony of Dissonance. Ouais, Harmony of Dissonance avec Juste Belmont. Lui, je l'ai manqué, j'ai pas joué. Il était bon, lui, je t'ai trouvé. Fait que je vous laisse jaser là-dessus parce que celui-là, je vous l'avoue, j'ai. Ça, actuellement, il se rapproche plus du Castlevania que. Symphony of the Night. Considérant que le château a deux mondes. Au lieu d'être un château inversé, puis le château régulier, ben là, cette fois, c'est plus deux mondes parallèles. Ok. Puis, côté gameplay, est-ce que le. C'était mieux que Circle of the Moon. C'est exactement pareil comme Symphony of the Night, le gameplay. Moi, d'après ce que j'ai vu, là. C'est pas pire le même gameplay que Symphony of the Night, à part que tes kicks frappaient aussi fort que ton fouet. Ok. Puis des fois, tu peux faire des dash kicks. Où c'est que je veux en venir, c'est que traditionnellement, les Castlevania, tes kicks, ils frappent beaucoup, beaucoup moins fort que ton fouet, qui, dans le fond, rajoute une facilité un peu inutile à Harmony of Dissonance. Ok. Fait que là-dessus, finalement, si vous aimez le style Symphony of the Night, c'est bien d'aller sur Harmony of Dissonance. C'est recommandé. C'est recommandé, ok. Oui, puis en plus, c'est le premier que Castlevania sur Game Boy Advance qui utilisait la chipset sonore au maximum. Ah, ok. Fait que les musiques sont très bonnes. Oui. Okay, c'est bon. Ça stuff. C'est pas mauvais, mais c'est pas. Ils sont pas encore au point, mais ils ont fait un effort pour que ça sonne bien. Ok. Après ça, on embarque avec la version PlayStation 2 de Castlevania Lament of Innocence. Qui est un jeu très très. On retourne aux bases au jeu, tout en rajoutant des gameplays du monde 64 finalement. Là, on joue dans un monde ouvert. Beaucoup mieux, oui. Et on joue le personnage de Leon Belmont, qui est un homme qui se fait kidnapper sa femme, puis qui décide de quitter il faisait partie, je pense, des croisades, et décide de partir vers le château où est-ce que sa bien-aimée a disparu. Et rencontre un homme qui lui donne un fouet magique, qui est un fouet d'alchimie. Et au courant du jeu, il est en train de forger le fouet pour qu'il devienne le vampire killer, qui a sa femme dedans. Ouais. On vient de dire un spoiler, désolé. Si les fans de Castlevania n'ont pas encore joué à la main de Venescence en 2012, là, tant pis. Un gros problème. Alors. Surtout aussi, qui est Dracula dans ce jeu-là? Fait que tant qu'il y a les spoilers. Tant qu'à ça, on va y aller dans le fond. Mathias, qui était le meilleur ami de Léon, c'est lui qui devient Dracula. Ouais. Il était quand même une tournure typique des histoires japonaises / d'anime japonaise parce que Koji Igarashi est un fan de la culture otaku. slash anime japonais, eh bien, il sort de son influence également pour Judith Ram dans Lament of Innocence. Mm-hmm. Effectivement. Le gameplay est très bon. Moi, je l'aime très, bien. Très bon. C'est très différent par rapport à... Le gameplay est différent. Ici, on ne se retrouve pas à faire un tableau, un étage, puis monter à l'autre étage, comparativement aux anciens Castlevania. Ouais, c'est des salles. Ouais, c'est pas tellement un Metroidvania qu'un side-scroller mélangé. Genre. Mettons que c'est un jeu de plateforme normal avec une sauce Metroidvania qui ne l'est pas en même temps. Okay. C'est en plus un très beau jeu. Ouais, il est beau. Très beau. Il est le fun aussi. Ah, il est bon. Il est super le fun. J'ai le goût d'y jouer. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Il est 13$, c'est pas si pire. Sur eBay. Moi, je l'ai. Fait que... Moi, il faudrait que je me le rachète parce que je l'avais auparavant. Je l'ai revendu. Maudit épide. Comment oses-tu? T'as osé faire ça. Ben, t'as vendu ta collection toi aussi, mon rétro. Ouais, je sais. J'ai pas de mieux que moi. Il faut qu'on sacrifie Big Ben. avant qu'il devienne Super Big Ben. Okay, il a vendu Castlevania Lament of Innocence. Regarde, j'ai vendu des choses pires que live. Ça. J'ai vendu des choses pires que ça, puis j'aurais jamais dû de ma vie. Fait que, j'ai déjà mon calvaire à cause de ça. J'ai vendu Super Metroid, là. Fait que... Non, il a Super Metroid. J'ai déjà... Ouais, mais moi, je l'ai vendu. Mais... Juste un instant, là. Quand j'étais jeune. Okay. J'ai vendu Final Fantasy 3 aussi, c'est SNES. Bon. Puis Chrono Trigger. Ouais, il vient de faire pire que moi. Puis j'ai vendu Dracula X aussi sur le NES, la star qui est plus achetable. Fait que, non, il est pire que moi. Accro des jeux Confidential. Ouais. Puis je le regrette sincèrement. Et oui, moi tout. Et quand j'étais jeune, je pensais pas à ça, moi. Là. Ben, on pensait à racheter des nouveaux jeux. Moi, dans mon cas, c'est ça. Vendre pour racheter. Fait que... non, sérieusement, c'est un très bon Castlevania à se procurer, à liser fortement. Moi, je l'aime encore. Je vais probablement me le racheter à ma prochaine paye. Je vais regarder ça si je suis capable de le... Si je peux me permettre, oui. Je pense que je peux même moi te l'avoir pour beaucoup moins cher. Okay. Ben, ok. Oublie-le beaucoup, mais je peux t'avoir pour moins cher au micro-pied de mon coin. Moi, je checkais ça jeudi quand on allait acheter Resident Evil. Yeah. Avec le logo de la girafe qui se suicide par une femme. Non. Le logo de la girafe. Ok, regarde le 6 de Castlevania 6. Ok. Non, j'ai dit, quand j'avais acheté Resident Evil 6, je vais en même temps checker pour Castlevania. Ok. C'est ça, j'ai dit. Reviens-moi là-dessus. Oui, monsieur. Alors. Il faut que tu te rédemptes. Oui, oui, oui. Ok, moi, là, je pense que tu veux voir ce que tu veux voir avec ta girafe parce que moi, je. Non, je te jure. Tu check le logo de Resident Evil 6. Le 6, là, j'ai l'impression que c'est une girafe qui se fait sucer par une femme. What? Oui! Moi, en tout cas, ton imagination est très perverse. Hey, même dans le podcast des Mystérieux Étonnants, ils disent la même chose que moi. Ben, en tout cas, moi, je trouve que vous avez des esprits tordus. Comme un prof de cégep que j'ai dû... Excuse-toi, parce que là, Trinity est après mourir de rire. Non. Moi, okay, moi je garde bon. Ce que je pense. Là, ça a de le logo, il y a de l'air vraiment de ça. Moi, ça a l'air de les crottes de nez à ramancher ensemble. Fair enough. On va retourner à notre sujet qui était Castlevania. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ben oui. Alors, après ça, c'était Curse of Darkness, je pense qu'il est sorti avant Area of Sorrow. Puis là, on voit Trevor là-dedans. Oui. Mais on peut même pas être avec Trevor là-dedans. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai manqué celui-là, malheureusement, parce que je n'avais plus dans les magasins. Actuellement? Oui, j'y ai jamais joué. C'est un autre incontournable. Oui, ok. D'accord, je me fie à vous pour m'expliquer ce tome-là que j'ai manqué encore. Il est moins bon que Lament of Innocence. Ok. Alors, PL, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire? L'histoire, c'est que dans le fond, c'était... c'est quoi leur nom? Mais je me sens que je sais que c'était un quoi. Oublie les Belmont, dans la mesure où c'est que c'est un... ce qu'on appelle un Devil Forger. OK. Qu'est-ce que Devil Forger? C'est que c'est un gars qui, par l'alchimie, peut créer des armures, des armes, des items... des bombes, même des gants de boxe juste en combinant des éléments comme des aquamarines, des du fer, n'importe quoi. OK. C'est exactement comme ça que tu peux acquérir tes armes et tes items. C'est en combinant des éléments. OK. Fait que c'est ça, c'est un... Côté gameplay, est-ce que ça ressemble beaucoup à Lament of Innocence? Ça prend un départ de Lament of Innocence où c'est que c'est le même style d'engin, okay, mais avec un penchant plus Dynasty Warriors. OK. Ce qui veut dire que tu peux manier plusieurs armes et des combinaisons de boutons pour tes armes te donnent des mouvements différents. Oh, intéressant. C'est, si tu veux, Big Ben, prochaine fois que je viens chez vous, ouais, quand ça donnera, je vais emmener Legacy of Darkness pour te le faire découvrir, okay, si tu veux. Génial. L'autre affaire intéressante avec Legacy of Darkness. Curse of Darkness. Curse of Darkness, ouais. Merci, Curse of Darkness. Non, t'as dit Legacy cool of Darkness. Désolé. L'autre affaire cool avec Curse of Darkness, c'est... tu as le droit à un familier. Et ce familier-là, ben, il peut monter de niveau. Oh, intéressant. Fait que à force de... Tu peux avoir un golem. Et il monte de niveau avec toi? Et il se bat avec toi, ou que si c'est la fée, elle te heal. C'est pour ça, c'est... Puis tu peux même déterminer ses comportements. Bon, c'est simpliste, mais tu peux quand même le faire. Eh ben, intéressant. Quand même intéressant. C'est absolument... Puis, le setting de l'histoire se passe 4 ans après Castlevania 3 Dracula's Curse. Ouais. C'est pourquoi on voit Trevor Belmont. Puis Trevor, il botte des culs. J'ai très hâte de l'essayer. Également dans celui-là, t'as des beaux personnages que c'est dommage qu'ils ne réutilisent pas plus tard. On va voir. Probablement, ça va dépendre au courant des prochains jeux. On va regarder si jamais ils décident de continuer d'aligner. Alors, le prochain, c'est un de ceux de mes préférés. Sérieusement, celui-là, j'ai fait le tour et j'ai vraiment aimé. Area of Sorrow. Yeah. Area of Sorrow. Celui-là, je sais pas pourquoi. Je sais, il ressemble beaucoup à Symphony of the Night. Il ressemble à beaucoup d'autres jeux. Mais j'aime le jeu en tant que tel, l'histoire. Je la trouve, même si ça a de la fucker parce qu'on s'en va dans le futur, en 2035. Tu peux absorber les armes des mondes, oui, et utiliser leur pouvoir comme des sub-weapons ou des weapons. Oui, c'est... Que j'ai jamais utilisé. Tu sais, parce que je trouvais pas... Il y avait pas d'instance... C'est le gros fun de ce jeu-là! Come on! C'est le gros du fun de ce jeu-là! Come on! C'est plate, mais le jeu t'invite pas à les utiliser. Moi, j'ai eu du fun noir à essayer de rattraper toutes les souls. Dans ce jeu-là, t'as le fouet épée. Ok, comme la... Oui, c'est vrai. Oui, t'as totalement raison. À part ça... Aussi un gun, puis un ce qu'il appelle un iron rifle, mm-hmm, mais bon, ça, c'est quand tu vas voir le marchand d'armes, parce que oui, il y a un marchand d'armes dans ce jeu-là, puis qu'il te vend l'arme en question. Oui, c'est vrai, c'est un genre de militaire qui te vend toutes tes armes, là. C'est armor, puis il y a sa propre thème, mm-hmm, puis son thème te fait penser à Double Dragon. Ah, ça, j'ai jamais remarqué, faudrait que je m'y remette. Mais... Il y a d'autres choses également qui est fun avec ce jeu-là, c'est la musique, je la trouve très bonne. Oui. La seule affaire qui m'agace, c'est que le château se ramasse au Japon. Ça m'agace. Oui. Ben, parce que quand même, oublie pas que le château, c'est dans le temps en lui-même. Ouais. Puis, mais aussi, que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont raconté une histoire qui est vraiment un folklore japonais par rapport à l'éclipse. Mm-hmm. Oui. Les éclipses existent parce qu'il y a des maîtres qui ont scellé une entité vraiment vilaine dans l'éclipse, mm-hmm, dans la lune, et c'est pour ça qu'on a des éclipses. parce que la magie, c'est l'éclipse vous protège l'humanité de cette entité vilaine-là. Mm-hmm. Oui, effectivement. Ils ont juste mélangé les deux folklores, dans le fond. Mm-hmm. C'est un très bon Castlevania, un peu plus difficile à trouver à cette heure, évidemment, qui est cher. Sinon, tu peux l'avoir en double pack, qui Il est encore plus cher, va. En double pack, mais moi, j'ai payé 10$, une affaire de même. Si vous êtes de Montréal, ben il y a toujours le Game Zone sur Wellington qui offre plusieurs copies des jeux sur Game Boy Advance. Ok, ouais. Et je pense que les gens également peuvent les faire livrer par, je parle, demander des commandes à Game Zone, okay. Mais ça, faut les vérifier. On va regarder ça plus tard. On va passer rapidement pour les derniers, vu qu'il est quand même assez tard. Je veux quand même garder du temps pour Lord of Shadows. Fait que Dawn of Sorrow, celui-là, j'ai pas joué. C'est la suite officielle de Lord of Sorrow. C'est la suite officielle de Dawn of Sorrow et tu te dois d'y jouer. Le problème coupable, il est tough à trouver lui aussi. Il est tough à. Moi, là, ce qui m'énerve dans ce jeu-là, c'est le stylus. Oui, pour pouvoir faire tes sorts, là. Ah, c'est que ça m'énerve, ça. Ouais, pour sceller les monstres. Ah, c'est-tu que ça m'énerve? Je suis désolé, je suis pas capable d'aimer les sorrows. En même temps, faut quand même t'avouer que c'est quand même une bonne idée en termes de gameplay. C'est chiant quand tu le manques. Des fois, t'es genre là, tu le réussis, mais il te l'accorde pas parce que, admettons, ton écran il est trop graffiné ou il est trop magané ou quoi que ce soit. Ça, c'est un fait. Fait que, non, c'est comme. Mais j'ai pas joué à celui-là vraiment. J'ai plus testé rapidement que d'autres choses. Je déteste vraiment le personnage de Summer Cruise, je suis désolé. Summer Cruise n'est effectivement pas un si bon personnage que ça, malgré. Effectivement. Que... moi, je trouve que c'est tellement l'archétype de l'otaku. Ça fait trop penser japonais. Là, c'est... Ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose que j'ai comme pas apprécié vraiment avec. Ariel Sorrow, je l'adore, mais j'aurais mis un autre personnage. Ben, Ariel Sorrow, si tu finis le jeu, tu peux jouer en tant que Julius, Yoko, puis Alucard. Ok. Alors, ça, j'ai juste fait le tour une fois, fait que. C'est ça, si tu fais le tour de deuxième. C'est ça, faut que je le fasse. Fais le tour, tu peux unlocker le jeu en tant que Julius, ouais. Alucard. Mais c'est des skins, anyway, là. Comment? On s'entend que c'est des skins, c'est pas des. C'est pas l'histoire. Ben, ils ont leur propre histoire. Ah, ok. Ouais, mais quand tu joues avec Julius, c'est pas vraiment une histoire. Hein. Ben, c'est vrai que c'est une histoire style What If. Mm-hmm. Mais tu sais, au moins, il y a une certaine part d'effort. Ouais. Il y a tellement de jeux que, effectivement, tu changes de partenaire, puis c'est la même histoire où il n'y a pas d'histoire pantoute. Ok. Ouais, j'ai vraiment de la misère à accrocher avec l'histoire de Siri of Sorrow, là, sérieux. Là. J'ai déjà en partant à Ariel of Sorrow avec l'histoire de l'éclipse, j'ai trouvé ça pas mal trop cave. Là. Ok. Encore une fois, c'est juste parce qu'il voulait mélanger une légende japonaise avec. Ouais, je comprends ça. C'est juste que pour moi, ça fait pas Castlevania. Non, pas bien. Fait que, après ça, on va embarquer dans le prochain qui est Portal of Rune, que j'ai pas joué. J'ai pas joué non plus. Ça, c'était excellent. Ah oui? Ça, c'était génial. Pouvez-vous me raconter un peu l'histoire? Qu'est-ce qui se passe dedans? À toi l'honneur, Retro. On se ramasse avec le descendant de du personnage de Bloodlines. Jonathan Morris? Ouais, Jonathan Morris, c'est ça. C'est le descendant de Morris dans Bloodlines puis Bram Stoker. Puis c'est un tag team, dans le fond. T'as deux personnages. Charlotte Olin, ça se peut-tu? Ouais. Ouais. Oui, Charlotte Olin, oui. Puis elle, c'est de la magie. Là. OK. Puis, dans le fond, ben c'est ça. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est le tag team, parce que chaque personnage a des choses différentes que tu peux utiliser un peu comme... comment je pourrais dire? Tu sais, le Vikings, Lost Vikings. Ah, OK. The Lost Vikings de Blizzard, là. Ouais, c'est ça. Dans ce style-là, genre, okay. Tu vas utiliser, mettons, un pour pousser une pierre pendant que l'autre va te jumper par-dessus, puis etc. Puis ça, t'en reviens. OK. Là. Bon, c'est un peu ça. Puis tu revois le personnage qu'on parlait tantôt de Bloodlines, l'autre, là. Eric Lecard. Eric Lecard, c'est un fantôme. En fait, la bonne prononciation ça doit être Eric Le Cardes, parce qu'il est, il est d'origine espagnole. Ah, OK. Ben, merci de me... Bon. Et voilà, on a un petit moment culture ici. Ouais, mais mais vous savez, messieurs, que j'aime ça parler de choses... De choses de trivia. Ce qui peut être long des fois, je l'avoue, et pour ça, je m'en excuse. Il n'y a pas de problème. La fois, l'histoire, c'est qu'il y a un vampire qui a perdu ses filles, je ne sais pas trop, puis là, il y a des peintures, il s'amuse à faire de la merde avec ça, puis là, il a pris trois filles. Deux filles, ouais, c'est ça, deux filles. C'est juste deux, t'es sûr? C'est juste deux. Ah ouais, okay. On l'a vu récemment, si je peux te dire. Il les a transformés en vampires parce que puis il traite comme ses filles, etc. Parce que lui, il est obsédé par le fait qu'il est par ses filles, puis il pense que ces deux filles-là, c'est vraiment ses filles. Cependant, et ça, je ne veux pas dire le punch, mais il y a un excellent punch derrière ça. Je ne veux juste pas le dire. OK. Fait que est-ce que c'est un bon Castlevania à jouer? Yes, sir. Oui. Oui, monsieur. OK, c'est bon. je vais essayer de le retrouver d'abord lui aussi. J'en ai beaucoup à acheter. Je me rends compte que, oui, je connais Castlevania, mais je connais plus les versions console que les versions... Ouais, c'est normal. Console portable. Oui, c'est ça. Ils ont pas fait la pub ou... Non. Qui aurait dû faire pour, exemple, les Portrait of Ruin. Mm-hmm. Effectivement. Fait que, après ça, on embarque avec Order of Ecclesia. Mon préféré sur console portable. Ah, en fait, c'est ton préféré? Préféré? Sérieux? Oui. Explique donc pourquoi si je peux te le demander. Parce que, de un, l'histoire est plus axée sur le fait que les Belmontes, ils sont plus trouvables, puis ils ont été obligés de pour combattre les forces du mal, puis Dracula, ils ont été obligés de se faire d'étudier les trucs de magie, puis les glyphes pour se faire un ordre spécial pour combattre ça. OK. Ouais. Puis, il y a comme une histoire de trahison là-dedans, puis etc. Moi, j'ai un petit faible pour les histoires de trahison, genre que j'avais jamais vu à l'avance. Là. OK. Puis, j'aime bien le personnage de base de ce jeu-là. Shanoa? Ouais, Shanoa, j'aime bien son personnage. Le gameplay, est-ce que c'est un petit peu comme c'est du Metroidvania, finalement? Metroidvania mélangé avec du Dawn of Sorrow sur certains points, mais en même temps différent. Oui, okay. Parce que c'est au lieu d'aller de place en place à travers du side-scrolling, tu vas aller d'une zone à une autre zone avec une map. OK. Parce que là, ça se passe à plusieurs places. Là. Puis c'est comme ça que tu bouges d'une place à une autre. OK, c'est bon. Puis pourquoi toi, pour toi, c'est ton préféré? Ben, comme j'ai dit, à cause de l'histoire et du personnage. OK, c'est bon. Puis toi, PL, c'est quoi ton opinion? Tu vois, moi, j'ai tendance à dire que l'histoire est un peu faible. Sur certains points, dans la mesure que l'histoire est racontée également de façon garochée, si tu considères que tu as beaucoup d'informations en peu de temps. OK. Quoi, l'histoire est condensée? C'est la manière qu'elle est racontée qui fait qu'elle est condensée. Il aurait pu plus l'explorer, puis il y a eu beaucoup d'opportunités manquées. Côté difficulté, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est le plus difficile des Castlevania sur console portable. OK. Sauf que ça y aute pas sa qualité de jeu, parce que, quand je peux te dire ça, l'idée du personnage de Shanoa est excellente. Okay. Dans le fond, son pouvoir, c'est d'absorber l'essence des monstres. Puis les transformer en glyphes pour être. Et les transformer en glyphes pour elle-même. Okay. Je te donne un exemple. Elle absorbe l'essence, pas l'arme, l'essence d'un squelette. Ben, elle peut pitcher des os. OK. Puis tu peux aussi faire des combinaisons. Assez extraordinaire. T'as plein d'affaires à explorer avec le personnage de Shanoa et ses pouvoirs. Okay. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que dans le fond, c'est ça. Je dirais que c'est la fin qui me laisse vraiment amer dans ce jeu-là. Ah ouais? La fin me laisse tellement amer. T'avais de quoi de beau, mais dans le fond, tu viens de confirmer que ce que j'avais pensé depuis le début, c'est que c'était garoché. Ça ne veut pas dire... Ah, garoché. Pas d'accord. Ça ne veut pas dire que je déteste le jeu. J'aime le jeu. Je préfère Portrait of Ruin sur bien des points. Autre compliment cependant, c'est que son flow est excellent. Tu sais, habituellement, exemple, Dawn of Sorrow, Port of Ruin, ça peut être long pour sauvegarder. OK. Order of Ecclesia, qui est un jeu qui est même graphiquement relativement supérieur, avec des lignes relativement supérieures, parce que des glyphes, t'en as un paquet. OK. Mm-hmm. T'entends? Le sauvegarde se fait en un claquement de doigts. Oh, intéressant. Très intéressant. Fait que pour ça, t'as pas l'impression non plus de... Excusez-moi, pas de te départir, mais de, tu sais, t'as pas de temps mort. Beaucoup moins de temps mort. OK. Et en ce qui concerne les Belmont, moi, juste dire ça. Le clan Belmont, ils sont dans le jeu, mais c'est ça. Mais c'est juste comme une apparition. C'est plus que ça. OK. Fait qu'on donnera pas de punch tout de suite pour laisser la chance aux gens de le connaître un peu plus. C'est un jeu comme Ecclesia puis Port of Ruin, j'ai puis qu'en plus qu'ils sont bons, j'ai un petit peu de misère à spoiler, à vouloir spoiler, puis je pense là-dessus rétro et partage ma philosophie. C'est juste que pour revenir à ce qu'il a aussi dit plus tard, que vous n'ayez pas joué à Lament of Innocence. C'est parce que Lament of Innocence sur PlayStation 2, c'est un grand incontournable. Mm-hmm. Lui, c'est à ce moment-là, c'est rendu comme c'est votre faute si vous êtes spoilé. Vous avez eu 10 ans pour jouer, vous avez eu 10-15 ans pour jouer au jeu. En plus, un bon jeu, ce qui est de plus en plus rare. Don't blame us. Ouais, t'es mieux de te lancer tout de suite. Ben, de l'essayer finalement. Parce que sinon, regarde, si l'auditeur qui nous écoute n'aime pas Castlevania, ben qu'est-ce que tu fais là? Non, je pense que la plupart des gens l'aiment bien. Les fans de Castlevania ont probablement tous joué Castlevania. Mm-hmm. J'espère. J'ose espérer. J'ose espérer moi aussi. Aucun oui. Alors, écoute, j'ai pas joué ben à fond, mais je t'avoue que Lord of Shadows, j'ai hâte de m'y mettre. Là, on a Lord of Shadows qu'on va parler. Non. C'est notre dernier. Non. T'as Judgment. Judgment. Pire jeu ever de Castlevania après le pire jeu ever de Castlevania, effectivement. Un Castlevania fighting style style pseudo Street Fighter, mais tellement... Avec des designs de personnages les plus dégueulasses que j'ai jamais vus. Death Note, c'est horrible. Puis des histoires horrible. De merde. Sérieux, là, Mario, puis son obsession sur les boules. Ah, sacrament! Tu sais, Monet, elle rencontre à travers... Parce que là, il se rencontre à travers le vortex du temps. Là. OK. Là, tu sais, la rencontre, s'il faut. Puis là, elle dit... Oh, mon Dieu, ils sont gros! Puis, tu sais... Puis elle a dit, de quoi tu parles, là? T'sais? Arrête, ça, ils vont juste être dans le chemin. T'sais. Puis là, elle est full frustrée que s'il faut, elle glorifie pas sa poitrine. Ah, puis là, elle dit, ah non, c'est un cadeau du ciel. Puis je vais te combattre pour... T'sais. Oh my god! C'est horrible. Vraiment horrible. Moi, j'ai juste fait une bataille contre un de mes chums. J'ai fait comme non, j'aime pas le jeu. Là. Déjà que la Wii, c'est une console qui se porte très mal pour les jeux de combat. Tu rajoutes un Castlevania là-dedans. J'ai l'impression que l'économie ont sorti ce jeu-là justement sur Wii pour être sûr que si le jeu scrap, qu'il l'est, ben que ça ait moins d'effet sur la série. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais il y a des bouts d'histoire qui sont comiques, comme quand tu joues avec Trevor et que tu bats Sifa, tu sais, puis il dit j'ai enfin réussi de gagner une bataille. Tu sais, j'ai enfin réussi à gagner une bataille, ça serait le fun que ça soit ici aussi à la maison. Parce que c'est lui, c'est elle qui mène à la maison, tu sais. Fait que c'est un épisode à oublier. C'est à éviter. Puis... Si vous le voulez vraiment, je pense qu'il vend 5$ chez Big Games à cette heure. Non, il vend encore 12$, qui est un rip-off des plus totales. Ouais, c'est clair. Puis écoutez, j'en viens à dire, juste le design des personnages, comment ils ont fait les personnages. Non, c'est dégueulasse. C'est un indice d'à quel point c'est un jeu, pour reprendre Dark Smile, c'est un jeu... de marde. Puis as-tu vu comparer le design de, mettons, Shanoa à celle de Order of Ecclesia, là, sérieux, là? C'est un clown! C'est vraiment dégueulasse total. Elle vient d'où? Du Cercle du Soleil? Ça n'a pas de crise de sens. Puis, aucun. Mario, c'est ridicule, là, avec ses gros shoes des années 2000. C'est encore pire avec Mario, sacre. C'est une édition à oublier, totalement. Bon, là, passons vite. On va, allons tout de suite à le dernier qui est sorti récemment. Bon, on parle de du fameux Lord of Shadows. Et on reboot la série totalement parce qu'on a besoin. Et on reboot la série totalement. Oui, totalement. Parce que... qu'on en a vraiment besoin. Et cette fois-là, on oublie Iga. Mm-hmm. On nous met... Nouvelle équipe qui est... J'allais dire également. Tu inclus Hideo Kojima. Alors oui, Castlevania Lord of Shadows met en vedette Snake Belmont. Snake Belmont. Bon. Gabriel Belmont, là, c'est son vrai nom, là, même si on s'entend que... J'ai beaucoup aimé le personnage de Gabriel Belmont. Non, c'est un beau personnage, Gabriel Belmont. Puis l'histoire est top-notch. Ah, si bol, oui. Patrick Stewart, tu commentaires sur l'exécution. Patrick Stewart en tant que narrateur ou même... Zobek. L'allié... Comment? Zobek. Merci, en tant que Zobek, c'est génial. Effectivement. C'est juste génial. Mais je pense qu'il fallait qu'on se rende là, il fallait qu'on se rende à un Castlevania qui était plus cinématographique. Oui. Je pense que... Il fallait rebooter la série avec une, pour enlever toute la messe qui avait été faite là, à partir de Symphony of the Night. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, ben tu peux pas avoir mieux que Hideo Kojima pour conseiller comment faire un jeu de cette envergure. S'entends-tu que c'est quand même le maître qui a créé la série Metal Gear? Puis si Metal Gear est une série qui est assez fuckée, merci, il est quand même capable, ce gars-là, de replacer toutes les. De créer une bonne histoire, là. Ouais. Ah, le gars, il crée des histoires depuis quel âge de 10 ans? Écoute, il faisait des films sur Super 8 de style Metal Gear. Ouais. Fait que, non, sérieusement, c'est un excellent jeu. On vous dira pas, ben, il punch dans celui-là parce qu'il est encore récent. Puis le 2 sort dans pas long quand même. Je parle de la version DS qui sort en 2013. 3DS. Oui. Il faut être la séparation entre Lord Shadow 1 et Lord Shadow 2. All of Mirror, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai hâte. Mirror of Fate. Mirror of Fate, merci, Retro. Gameplay, ouais. Si vous aimez beaucoup les God of War, vous aimez les Devil May Cry, vous allez retrouver. Ce genre de jeu-là, c'est du beat'em all classique avec des action buttons à utiliser une fois de temps en temps. Sinon, à part ça, on retrouve également dans ce jeu-là des très belles cinématiques, l'histoire est vraiment prenante. Du bon platforming. Donc, bon platforming. Très bon platforming, oui. Les voix, incroyables, là. Incroyable. Encore une fois, Patrick Stewart, mais pas juste Patrick Stewart. Non, il y a plein d'autres bonnes personnes. Pour ne pas dire toute la gang, c'est un jeu qui a été conçu de façon magistrale. Effectivement. Alors, puis ça paraît qu'il n'y a pas une influence japonaise là-dedans. Là. Vraiment. Là. Non, c'est plus européenne. Mais pour dire aussi que Mercury Steam, c'est des Européens. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est ça que ça prenait pour Castlevania, pour ramener le style Transylvania européen, etc., dans la série. Parce que là, c'était devenu trop japonais. Effectivement. Ben, slash anime japonais, parce que comme j'ai dit, Koji Igarashi Iga, ben, c'est un gros fan de l'animation japonaise. Puis Robert Carlyle, il joue un très bon Gabriel Belmont. Effectivement. Yes, sir. Ah, yes, sir. Mm-hmm. Ok, oui. Alors, je crois que c'est fini ici notre podcast spécial Castlevania. En fait, moi j'ai une question. Oui. Tant qu'elle est dans le vif du sujet, est-ce que quelqu'un peut. On sait que Mirror of Fate sort en 2013. Mm-hmm. Il me semble aussi que Lord of Shadows 2 sort en 2013. Je regarde Avons-nous des dates officielles? En ce moment, non. Aucune date prévenue. Ils disent qu'elle sort en 2013, mais j'ai l'impression que ça va être repoussé. Ouais, Lord of Shadow 2 va être repoussé. Ah oh, oui, ça va être repoussé, ça va aller en 2014, je suis sûr. Parce que Mirror of Fate, je pense qu'il est quand même assez avancé. Assez avancé, Mirror of Fate, effectivement. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est Mercury Steam qui s'en occupe également, fait que. Ouais. Non, selon moi, ils vont plus se concentrer à sortir la version le Mirror of Fate pour 3DS, puis après ça, ils vont se concentrer sur leur Shadows. Ouais. Alors, là-dessus, je pense que ça conclut notre podcast. Alors, avant toute chose, avant de finir, je vais dédier ce podcast-là à un gars en particulier. Yeah. C'est M. Stéphane Côté, Dollar à bouffe, qui vient nous annoncer que c'est la fin. Il n'y aura plus de Dollar à bouffe. Oh. Ce qui est dommage. Mmh. Bon, il a fait partie de ta vidéo d'Halloween l'année passée, Sylvain. Mmh. C'est un gars que j'ai une profonde admiration pour lui. C'est un gars que j'ai adoré ses vidéos. Il était très comique. Sans pour autant faire un scénario dans ses vidéos, c'était quelque chose qui était très bon. Je me suis lié d'amitié en faisant des vidéos avec lui, puis je le remercie énormément. Puis j'y souhaite bonne chance dans ses prochains projets. Sérieusement, Dollar à bouffe, c'était quelque chose de. C'était une belle aventure, puis je suis content d'avoir été un de ses fans, personnellement. Alors, là-dessus, on finit le podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast des accros. Nous sommes l'édition du 2 octobre 2012. Rejoignez-nous dans 2 semaines où on va parler de jeux d'horreur excluant Castlevania pour vous préparer tranquillement au 31 octobre. Halloween. Alors, c'était le Big Ben. Antithèse. Rétro-MPQ. Pour le podcast des accros. On vous remercie beaucoup. Et à la prochaine.